Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Exerve. Salut. Et je suis aussi avec Maxime. Bonjour. Comment ça va, messieurs ? Ça va super. Ça va. On souhaite une belle année 2020 aux gens, même si ce ne sera pas forcément facile avec tout ce qui se passe dans l'actu. C'est mais mal barré. Hein. Voilà, on va se dire qu'en tout cas, côté jeux vidéo voilà. Apparemment, les choses, il y a quand même de belles choses qui devraient arriver cette année. Et puis, on vous souhaite aussi de plein de réussites et plein de bonnes choses dans vos vies respectives. Une bonne résolution pour commencer, peut-être, qu'on peut recommander aux gens, c'est de soutenir Fin du Game via notre page Excellent Patreon. Excellente transition, ah, oui, Hugo, toujours, félicitations. Hein. On ne perd pas le Nord, hein, c'est 2020, on n'oublie pas les choses importantes. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à faire cette émission tout au long de l'année, toutes les deux semaines. C'est notre programme, vous le connaissez. Beaucoup de gros jeux pour commencer cette année. On a notre programme jusqu'à avril au moins. Ouais. Et ça va envoyer du lourd. On commence déjà fort aujourd'hui, mais il y a encore de grosses cartouches qui vont commencer. Pas mal de classiques, j'ai remarqué. Ouais. C'est un petit peu le programme de ce début d'année. Donc voilà, soutenez-nous sur Patreon. Vous pouvez faire un épisode sur deux, tous les épisodes. Vous faites comme vous voulez, c'est à la carte. L'idée, c'est qu'on puisse continuer à produire cette émission, prendre le temps de le faire, de faire les jeux avant de se lancer dedans. On remercie également Third Edition, notre sponsor. Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo, mais pas que. Voilà, qui ils ont un bon programme. Mignons, hein. Moi je m'en lasse pas. Moi j'adore, c'est mon petit moment, tu sais, j'attends tous les 15 jours, je me dis, on va dire, mais pas que. Après, il va dire paysage vidéoludique, ouais. Tu vois, et puis c'est bon. Moi, non, ça y est, on rode, tu vois, notre petit numéro, c'est Rodriguez, tu vois, c'est bon. En fait, notre petit numéro. Third Edition qui a donc un programme assez chargé en ce début d'année. Je crois qu'il y a le livre sur The Leftovers qui va sortir. Oui. Il y a Jojo's Bizarre Adventure. Ça, c'est pour les petits weeboos. Il est sorti. Ouais, il est dispo. Ouais. Il doit être dispo pour leurs abonnés Prime ou Premium. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais pour cet épisode, on les remercie surtout pour le livre sur Bioshock de Rapture à Columbia qui a été écrit par les fondateurs de Third Edition, Nicolas Coursier, Mehdi El-Kanafi. Et puis, il y a aussi Raphaël Lucas qui, lui, n'est pas fondateur, il me semble, mais qui est juste auteur. Ils ont travaillé tous les trois sur ce bouquin. Je crois que c'est un de leurs premiers bouquins, même. Il me semble. Avec Third, probablement, parce qu'après, eux, ils avaient commencé à l'époque avec Console Syndrome, le fameux livre sur la légende de Zelda. J'ai pas l'historique exact de Third Edition, donc peut-être que c'est un des premiers. Ouais. En tout cas, c'est un paperback, il est moins épais, c'est plus tout à fait. Tu te dis qu'au niveau de l'édition, tu vois qu'ils ont. Tu sens qu'il y a eu quelques années qui se sont déroulées. Ils ont avancé un petit peu. Du coup, le livre qui est vraiment sur les trois Bioshock, là, on le précise, on va vraiment parler du premier Bioshock 1, celui sorti en 2007. Mais là, dans ce bouquin, vous avez vraiment un retour sur l'ensemble de la licence avec toujours un petit peu la structure qu'ils ont dans Third avec un retour sur l'histoire, du décryptage. Moi, c'est souvent quand même les parties que je préfère, les décryptages avec aussi tout ce qui est un petit peu à côté du jeu. Là, ils vont aller tirer un petit peu sur les courants culturels que les jeux peuvent s'approprier. Ça, c'est toujours ce que je trouve intéressant. Donc voilà, si ça vous branche, vous pouvez lire ce livre sur Bioshock. Si vous aimez la série, que vous n'en avez pas assez après toute l'émission qu'on vous a préparée, et c'est possible puisque du coup, il y a quand même les deux autres épisodes, vous pouvez aller lire ce livre. Bioshock, gros monument du jeu vidéo pour commencer cette année. Qu'est-ce qu'on va nous mettre comme musique, Maxime, hein? Ça, t'y as pas pensé? Un petit truc des petites trompettes, des petites bonnes femmes qui font des trucs comme ça, un peu des années 50, quoi. Il n'y avait pas de rap à l'époque, hein, pas de rap dans Bioshock. Alors, j'espère que dans le prochain. Rapture, on aurait pu des petites choses. J'espère que pour le prochain. On est passé à côté de tellement de jeux de mots incroyables. Malheureusement. Écoute, t'as deux jours. pour lâcher un petit son. Je mettrai ça. On verra ça. On va commencer ce premier épisode de Fin du Game de 2020 sur les chapeaux de roue avec Bioshock. C'est parti. Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo, papa loves mambo, mama loves mambo, mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast. She goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for mama, nowhere in sight. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves Mambo, Papa loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves Mambo tonight. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. He goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo, Papa loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. Having their fling again, younger than spring again. That zing again, wow. Papa loves Mambo, Mambo, Papa. Mama loves Mambo, Mambo, Mama. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves the Mambo tonight. Donc BioShock qui est sorti en 2007, le 21 août 2007 pour être plus précis, c'était vraiment le tout début de la génération PS3 360. Il était aussi sorti sur PC, mais via c'était quoi, Games for Windows, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Games for Windows Live, hein, voilà. Un magnifique système de DRM qui était le gros handicap du jeu PC de 2000 à 2010. Hein, entre Star Force et ça, on a vraiment eu des années de merde. Mmh. Malheureusement, les joueurs PC, parce que quand tu achetais ton jeu, t'étais plus embêté que si tu l'avais piraté. Donc c'était quand même un petit peu stupide. Ouais. Mais du coup voilà, ce genre de système là c'est ce qui a permis notamment aux consoles PS3 360 de marcher aussi bien et puis de lancer l'ère de la HD, puisque c'était l'époque où on s'achetait des télés plates. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est le moment où on a lâché les télés grosses, les gros écrans cathodiques, et on s'est commencé à s'acheter des télés LCD, des télés plasma, des trucs comme ça. Oui, c'est vraiment le début de la HD, quoi. Ouais tout à fait. Et donc BioShock qui est souvent associé, enfin qui est associé de toute façon à Ken Levine qui est son créateur, Ken Levine qui avait bossé chez Looking Glass sur Thief. Thief qui était vraiment un héritier Immersive Sim, c'était infiltration, on jouait un espèce de voleur, il y avait des flèches d'eau, de feu et tout pour pouvoir interagir un peu avec l'environnement. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Ouais, ouais. C'était un des premiers jeux à utiliser le système de moduler le son de tes bruits de pas en fonction de la surface, ce qui du coup donnait un côté un peu simulation. C'est-à-dire que quand tu arrivais dans une maison, si tu sautais et qu'en dessous il y avait pas un tapis, t'allais faire du bruit, t'allais les gardes allaient t'entendre, etc. Donc il fallait faire attention à son environnement. Excellent jeu FIF, hein, évidemment, que je vous recommande, sauf le dernier épisode qui est une sombre bouse que je ne vous recommande pas du tout. Ça me fait toujours marrer quand je pense juste à FIF, parce que c'est un peu une école du jeu vidéo qui se veut avec mille guillemets un réalisme, et du coup t'avais des flèches avec de la mousse d'armes, je crois, dedans. Ah oui, il y avait pour, des tonnes de flèches tirer sur le sol, et du coup justement ça faisait que le sol était moins bruyant quand tu marchais. Quel problème, c'est réaliste. Ouais bah non, c'est vrai, moi une fois je me suis cambriolé, il y avait de la mousse partout, c'était horrible. Les mecs qui te salèpent ton chez toi, il y a du lichen de partout. Mais qu'est-ce que vous avez foutu, oui, les gars? Mais ils ont pas fait de bruit. Et voilà. Ouais, du coup, ils ont été sympas quand même. Ensuite, il a fondé le studio Irrational Games. Leur premier jeu qui est sorti, c'est System Shock 2. System Shock, c'était Looking Glass aussi ou c'était Iron Storm? Non, Maxime, non, Glass. Question Storm, après, pour un champion. Iron Storm, c'est Deus Ex. C'est Deus Ex. C'est oui, c'est Looking Glass aussi, du coup, le premier System Shock qui lui. Du coup, c'était pas encore ce ton-là, c'était Origin. Oui, voilà. Changé de nom entre temps. Mais ce qui est intéressant en fait avec Ken Levine, c'est qu'il est arrivé, il a bossé sur FIF, il a pas attendu que le jeu sorte, et il a directement quitté le studio pour finalement faire la suite du jeu. Du studio dans lequel il bossait avant. J'imagine que ça s'est pas très bien passé à cette époque-là. Après, il n'y avait pas que lui, je crois qu'il a cofondé, si je dis pas de bêtises, Irrational Games avec deux autres mecs qui devaient être des anciens de Looking Glass. Et ouais, il voulait faire du coup la suite un peu de System Shock qui est sorti en 94, si je dis pas de bêtises. Et mais ils n'avaient pas la licence en fait. Mais après, le c'est développement, EA qui est revenu ça, vers eux et qui leur a dit bon bah les gars, vous faites un jeu qui ressemble à System Shock. Nous, on a la licence. On s'enjaille ensemble, quoi. On fait des trucs ensemble. Ouais. Alors, j'ai des doutes sur le fait que ça soit passé aussi bien. Moi, mais bon. Ma vision, à mon avis, c'est plutôt en fait, non, vous faites System Shock 2 et vous n'avez pas votre mot à dire. Putain, mais moi, laissez-nous un peu rêver de l'industrie du jeu vidéo. C'est de l'entertainment. Il faut faire alors rêver après, les gens. Il le dit lui-même, Ken Levine, c'est un énorme fan de System Shock. Ouais. Et il a vraiment profité d'une annonce, bêtement, dans le journal. Hein. C'est vrai que ça paraît un peu étrange. Parce qu'à l'époque, c'est là où il n'y avait pas LinkedIn. Du coup, il y avait l'annonce de. Il cherchait un designer ou un auteur, en fait. Pour bosser sur FIF, et il a rejoint directement cette équipe-là parce qu'il avait envie de bosser sur System Shock ou en tout cas sa suite. Du coup, je pense que comme FIF a très bien fonctionné, ce que je me dis, c'est que il s'est dit non, moi j'ai vraiment envie de faire System Shock 2, donc il a fondé son propre studio et il a réussi à pitcher ça à EA qui lui a emboîté le pas, quoi. Et System Shock 2, qui est important quand même à prendre en considération parce que c'est vraiment un proto-BioShock. Au final, il y avait déjà pas mal de choses qu'on va retrouver. L'idée d'avoir des environnements très clos, il y avait déjà les fameux audiologues qui ont vraiment été popularisés avec BioShock, mais étaient déjà là dans System Shock 2. Il y avait aussi apparemment un twist de Fifou à la fin, donc je ne connais pas parce que voilà, je n'ai pas fait le jeu, mais en tout cas il y en avait un, donc il y avait déjà plein d'éléments en fait qu'on retrouvait dans System Shock, même si c'était beaucoup plus RPG, beaucoup plus immersif sim finalement que ne va l'être BioShock. C'est un, si ce n'est le pilier de l'immersif sim aux côtés du coup de Thief, Deus Ex entre autres, mais oui c'était des jeux pensés pour le PC, et du coup c'est beaucoup d'interface en fait, la couche RPG elle se traduit beaucoup par différents talents aussi, t'avais le hacking, t'avais les pouvoirs psioniques, et du coup tout ça se traduit par des gros inventaires aussi hyper lourds. La gestion d'inventaire, ça fait partie aussi de cette notion de choix, de liberté, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout ramasser. Puis tous les objets qui sont assignés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui sont des trucs pour les consoleux, voilà, ça, moi je suis perdu, tu vois, j'ai peur quand on me parle de ce genre de choses. Et du coup quand tu commences, voilà, t'as un tuto d'une heure, quoi. C'est ça qu'on aime. Le développement de BioShock qui débute en 2002, c'est vraiment un jeu qui a quand même une longue période de gestation. 5 ans, c'est quand même pas mal, surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est de plus en plus commun parce que avec tous les assets graphiques, tous les trucs, c'est des monstres les jeux, donc forcément, on est un peu plus dans ces eaux-là. Mais à l'époque, c'était quand même pas mal. C'est un jeu qui est passé par aussi pas mal d'étapes différentes, notamment autour de son identité. Il y avait déjà deux choses qui étaient assez claires. C'était l'idée de construire l'univers du jeu autour d'un espèce de triangle de 3 factions, entre guillemets. Il y avait des collecteurs, des protecteurs qui protégeaient ces collecteurs, et puis des espèces de ravageurs, des gens qui voulaient essayer de piller finalement ce qu'on collectait. Ça deviendra les petites sœurs, les Big Daddy et les Chrosomes. Et puis le deuxième gros aspect, c'était de faire un FPS avec des pouvoirs, donc un petit peu l'héritier de ce qu'il avait fait avec System Shock, même si quelque chose qui était quand même un peu plus orienté action. Par contre, sur l'identité, là ils sont passés vraiment par tous les bons délires du jeu vidéo. Il y a eu quoi? Il y a eu un labo nazi, un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial grand classique aussi de l'univers. Ouais, il y avait tout un délire avec des aliens et des ennemis avec des gros cerveaux façon Mars Attacks a priori, qui du coup lobotomisaient les gens, et le but c'était de les sauver. Ils ont mis beaucoup de temps à chercher l'identité visuelle, et ce qu'il explique Ken Lemine dans les interviews, il y a tout un tas de making-of et d'interviews qui sont dispo, parce que bon, à l'époque le jeu a été surmédiatisé, un truc de fou, on aura l'occasion d'en reparler. Il explique très clairement qu'en fait ils avaient déjà quasiment toute l'idée, tout le côté game design, et l'univers est venu vraiment après, ce qui est assez intéressant comme démarche parce que c'est pas souvent que ça se passe comme ça. Et ça explique peut-être aussi certaines incohérences qu'on peut voir par moment dans le jeu, mais finalement l'univers ils ont réussi à le caler. Ce qu'il explique, c'est que il avait envie de simuler un monde, pour lui il est parti dans son délire d'immersive sim, et donc ce qu'il avait envie de faire, c'était de donner aux gens le côté une certaine crédibilité. Il voulait que les gens ne se perdent pas, ils perdent pas l'immersion, et donc il s'est dit, plutôt que de mettre un mur invisible, on va foutre ça sous l'eau, et comme ça les murs invisibles c'est de l'eau, les gens ils comprennent qu'on est effectivement limité par l'environnement, et c'est vrai que c'était finalement la grosse idée qui a fait de BioShock le jeu qu'on connaît, quoi. C'est un truc qui caractérise souvent une certaine vision, tu vois, de la philosophie immersive sim. On en avait parlé avec Prey par exemple, qui lui aussi qui est dans une station spatiale, et avant ça donc Prey qui a été fait par Arkane, cofondé par Raphaël Colantonio, qui avait fait Arx Fatalis, et là aussi ça se passe, alors je l'ai pas fait, ça se passe dans une espèce de donjon, et en interne je crois ils appelaient ça le Space Dungeon ou un truc, ou alors non, c'était, je crois c'est que c'est pour Prey qui parlait de Space station, Dungeon, voilà, en référence du coup à Arx Fatalis et le level design un petit peu. Excellent jeu que je vous recommande, voilà. C'est les petites recommandations, hein, et ça vous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est comme ça, c'est notre compas, hein, moral. Ouais, hein. Je suis un influenceur, il paraît. Exactement, hein, bah, bien sûr, c'est ce qui, bien sûr. C'est mon job maintenant. Et du coup, ouais, Rapture, qui est finalement une icône, tu vois, de BioShock, vraiment un truc emblématique du jeu. Mais c'est marrant quand tu penses vraiment juste en termes de production, level design, en fait, j'imagine juste des diapos, tu sais, quelqu'un qui arrive avec des propositions, genre, pfft, on a la station spatiale, pfft, on a le donjon, pfft, on a la cité sous l'eau, tu sais, c'est toujours un peu les surtout mêmes. La structure du jeu, quand on l'observe, il y a beaucoup de sas, de trucs comme ça, qui peuvent tout à fait fonctionner dans un vaisseau spatial ou dans un labo souterrain nazi. Enfin, tout ça, ça pourrait marcher. Ce qui donne aussi beaucoup l'identité au jeu, bah, c'est le fameux art déco, c'est-à-dire le style architectural et décoratif qui a été employé dans tout le jeu. Ça, c'était vraiment pour donner une identité vraiment au jeu, pour pouvoir se différencier. Ils avaient besoin de se trouver un style et ils sont partis là-dessus. Et c'est vrai que ça a façonné et ça a donné toute cette identité si particulière qu'à Rapture, puisque le jeu se passe dans, je crois que c'est en 59 ou en 60. Ouais, il y a 59, il y a un bon année genre 59, ouais, ouais, c'est le signe où les choses ont commencé à mal tourner, je crois, dans la ville. De toute façon, on reviendra un petit peu sur cette idée d'art déco quand on parlera un petit peu de l'esthétique du jeu. Le jeu donc sort en 2007, c'est un énorme carton critique. On s'est amusé à relire un petit peu les tests de l'époque et c'était vraiment dithyrambique, les retours, c'est du 9/10, enfin, c'est 96 sur Metacritic. Hein, donc c'est du très très très très lourd. Ouais, le jeu qui, quand on relit, on a l'impression que les gens ont été bouleversés en fait par ce jeu à sa sortie, quoi. C'est, on en est vraiment à ce point-là. C'est comme ça que c'était présenté, hein. Il y avait vraiment un avant et un après. Comme je l'ai dit, il y a eu vraiment une espèce de vague médiatique à partir du moment où on a vu les premières démos un an, un demi, deux ans avant. Déjà, il y avait une grosse hype qui se faisait autour de ce jeu-là. Et quand le jeu est sorti, ça a été l'explosion, hein. La légende veut évidemment que ça aurait pu être le premier 10/10 de Gamekult, hein, puisqu'à l'époque, c'était Ragal, Clément Apap, qui était le cofondateur du site, qui l'avait testé et il en avait mis sur tous les murs. Et a priori, c'est l'équipe, moi c'est ce qu'on m'a raconté, hein, parce que j'étais pas là, mais ce que m'a raconté Puyo et Yukich, c'est qu'en gros ils l'ont un peu dit, non quand même faut pas déconner, on va pas mettre un 10/10 sur Gamekult, on va pas, etc. Pas, voilà, il y a une identité à protéger, hein. On note de 3 à 9 et du coup ça a pas été le cas, mais par contre pour lui c'est un des jeux qui a, enfin quand tu lis son test, quand tu lis sa conclusion, tu vois bien qu'il y a eu un avant et un après BioShock dans sa vie. De toute façon il préface là le livre de Terre d'édition, effectivement on sent beaucoup son amour pour le jeu. Commercialement ça a aussi quand même bien fonctionné, hein. On avait regardé un an après, c'est 4 millions, oui, hein, c'est ça. Ça ouais. Donc c'est pas non plus. On avait, à titre de comparaison, il y avait le premier Assassin's Creed qui était sorti la même année. Là, c'était 8 millions, c'est ça. Donc c'est quand même bon. C'est Assassin's Creed aussi, hein. C'est pas rien. C'est un scope assez différent, j'imagine. J'ai pas regardé combien de personnes. Oui, c'est sur vrai. Assassin's oui, Creed, oui. Ouais, c'est, voilà. C'est au moment où Ubisoft commençait vraiment leur transformation à devenir une espèce de géant monstrueux qu'on oui, connaît coup, aujourd'hui. On en a parlé là dans la préparation. Je me suis amusé à regarder ça. Donc à la fin de l'année 2007, ils avaient un peu moins de 3200 ou 3300 employés qui étaient vraiment consacrés au développement Ubisoft dans le monde. À la fin de l'année 2018, ils sont plus de 16 000. Ouais, voilà. Donc ils ont quadruplé en quelques années. Ils ont vraiment énormément, ils ont énormément monté leur force de frappe. Et puis c'est pour ça qu'ils arrivent à bosser sur 15-20 projets. Nous, on n'en verra que 6 ou 7 à la fin, mais ils peuvent comme ça bosser sur tout un tas de trucs en parallèle. C'est leur vache à lait. De toute façon, Assassin's Creed, pendant très longtemps, c'était vraiment leur produit phare. Et puis ils l'ont trait jusqu'à ce que ça marche plus. Et ils ont dû prendre une petite pause pour aller en chercher une nouvelle. Il fallait manger un peu plus d'herbe. Mais donc, pour revenir à BioShock, gros succès quand même, surtout pour un FPS malgré tout. C'était un FPS console, c'était pas si... Bon, il y avait quand même Call of Duty qui arrivait. Mais c'est la même année. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est une année vraiment charnière, hein, 2007. De c'est quel Call of Duty, du le Modern Warfare, le Call of Duty. C'est important. Pas que les trois premiers soient pas bien. Hein, au contraire, moi je les aime beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que ça a tout transformé. En fait, ça a lancé cette mode du FPS multi sur console. C'est ce qui a donné le délire. Ça a donné le top départ. C'est l'année de Mass Effect. C'est l'année d'Assassin's Creed. C'est l'année d'Uncharted. Donc c'est vraiment une année. Ça a lancé la HD pour de bon. Ça y est, la guerre a été commencée. On était vraiment rentré dedans. Histoire de quand même relativiser le chiffre, il faut se dire que du coup la Play 3 elle est là que depuis un an au moment de la sortie de BioShock. En plus elle a fait un four, hein, à la sortie la PlayStation 3 elle a mis un an et demi, deux ans à vraiment démarrer parce que y avait son placement de prix qui était pas bon. La 360 elle fonctionnait bien mais elle était pas encore installée sur une base énorme, donc déjà 4 millions c'était quand même énormément de ventes pour l'époque. Sur le parc installé il faut réfléchir comme ça. Il y a quand même ça. La Wii qui cartonnait. En plus de ça c'est vrai qu'on l'oublie parce que c'était pas... On se dandinait devant notre Wii, hein, c'était... Bien sûr. Face à la HD on avait, on avait des bowling, des trucs... Mais non attends, on avait un câbles pour jouer en 720p quand même, hein, qui coûtait 40 balles à acheter en plus. Ça n'a pas empêché, je pense, certains. Je crois qu'il y avait un. Alors, je sais pas si c'est le Modern Warfare, mais t'avais certains FPS sur Wii aussi, genre des Call of Duty. Modern Warfare, je crois qu'ils sont tous sortis sur Wii. Il n'y avait pas de multi, mais par contre, ils sont sortis sur Wii. Il y avait une adaptation, c'était évidemment une catastrophe. Vraiment de concert, le tous sortis sur Wii, on y tient, attention. Moi j'étais en boutique à l'époque, donc le catalogue Wii, je l'ai fait un sacré paquet de fois dans mes inventaires. Il y avait des belles merdes quand même. Tu vois, mais c'était rigolo parce que c'était la suite de la Play 2 qui avait déjà un catalogue gigantesque avec des jeux absolument dégueulasses. Et la Wii, bon, bah, ils ont tout porté dessus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, t'avais vraiment la PS360 d'un côté et la Wii, c'était deux univers complètement hermétiques. Vous y avez joué à l'époque, vous, à BioShock, toi, Benoît, donc en 2007, toi, Max, 2011, je crois. D'accord, ok. Moi, j'avais fait la démo, je me souviens, sur PlayStation 3. Je n'avais pas continué. Et après, je l'avais racheté en 2012 quand tout le monde, justement, disait que c'était un classique sur PlayStation 3. J'ai joué une heure et demie. Et là, je l'ai relancé donc pour fin du game, pour spoiler mon avis. On va peut-être parler de l'histoire, ça c'est assez important. Qui c'est qui veut nous raconter la petite histoire de BioShock? Est-ce que c'est Papy Exerve qui veut grand-père Père Castor qui veut nous expliquer ça? Bon, on a incarné Jack. Oui, de toute façon, c'est marqué sur la fiche, c'est moi, donc voilà, zéro suspense de mon côté. L'histoire de BioShock, c'est plus que le scénar, moi ce que j'aime bien en fait c'est l'intro qui est vraiment marquante et qui à l'époque moi je venais de m'acheter ma télé, voilà c'était pour la petite anecdote, je venais d'acheter ma télé HD, j'avais la 360 qui attendait et qui ronronnait avec Gears of War et BioShock et donc j'en prenais plein les mirettes et on incarne donc Jack, ça on le découvre un peu plus tard, on est dans un avion, en fait on sait qu'effectivement c'est le début de l'année, l'avion se crache, on est au milieu de l'Atlantique et là en fait autour de nous un mur de flammes, on voit juste un immense phare, évidemment on y va parce que les flammes sont très sympas, elles nous dessinent un chemin et en fait on va rentrer, on a une espèce d'ascenseur qui va nous faire descendre sous l'eau et là on découvre la cité de Rapture. Voilà, donc ça c'est vrai que l'intro de BioShock, je pense qu'on en reparlera en termes de mise en scène, c'est un truc je pense qui a marqué les joueurs pendant pas mal de temps. Et au niveau de l'histoire globale, ce qui se passe c'est donc on découvre qu'un type qui s'appelait Andrew Ryan, après la Seconde Guerre mondiale, au moment où la guerre froide commence à se lancer, il a décidé que ça soit le gouvernement, les Russes, la religion, tout ça, c'est tous des cons. Lui, tout ce qu'il avait envie de faire c'était de gagner du blé et de faire tout ce qu'il veut, c'était PNL à l'avance évidemment. Respectons PNL, s'il vous plaît. Bah, Rapture, PNL, voilà. Tu vois, j'ai réussi à en faire une. Bon, elle était nulle, mais j'ai réussi à la placer. Oui, ce qui rejette, c'est surtout l'aspect économique, en fait, de fait de. Je crois, j'ai oublié la phrase en anglais, mais c'est vraiment gagner l'argent à la sueur de ton front. En fait, ce que tu as gagné à la sueur de ton front, tu le gardes, pas de. C'est pas l'État qui va te le prendre. Pas l'État, pas l'Église, pas les Russes. Voilà. Mais voilà, de toute façon, on en reparlera de toute façon quand on va évoquer un peu plus l'univers, justement, de BioShock. Ils ont voulu vraiment donner naissance à une espèce de dystopie sous-marine. Avec un univers où ça se passe très très mal puisque du coup c'est une philosophie, alors on en reparlera, c'est de l'objectivisme, où en gros c'est chacun pour sa gueule et forcément ça tourne mal. Nous on arrive justement au moment où ça a très mal tourné, ça fait pas mal de temps que Andrew Ryan il est là et on va découvrir via Atlas, qui est la voix qui nous guide tout au long de l'histoire, que il faut en fait tuer Andrew Ryan parce qu'il a vraiment merdé et donc pour le tuer on va utiliser ce qu'ils appellent l'Adam, qui est une espèce de ressource qui ont été inventées. C'est la drogue du coin. C'est ça, voilà. C'est la drogue et grâce à cette drogue tu vas pouvoir te rajouter des pouvoirs, c'est les fameuses plasmides, ça va modifier en temps réel ton code génétique et donc tu vas essayer de t'armer pour pouvoir empêcher Andrew Ryan de continuer son bordel. Au final, le gros twist de BioShock, heureusement on est dans fin du game donc j'ai le droit de vous le dire, c'est qu'en fait on apprend que Atlas ne s'appelle pas Atlas mais Fontaine et qu'en fait c'est un grand méchant, il n'est pas gentil avec nous. Dont on entend parler tout le long du jeu en fait sans savoir que, en fait, c'est lui. C'est la deuxième grosse puissance en fait de Rapture. Il y a vraiment Andrew Ryan qui est un petit peu le fondateur, le dirigeant, et puis de l'autre côté il y a ce mec là, cette espèce de businessman qui fait un peu de la contrebande même avec la surface et compagnie et qui a réussi à se construire vraiment un empire et notamment grâce à l'Adam il me semble, et du coup c'est vraiment les deux forces qui s'opposent. Et quand on arrive à Rapture, supposément Frank Fontaine a disparu, il est mort, on sait pas où il est, et du coup on se rendra compte qu'effectivement c'est lui qui nous manipule. Et là où en fait ça va quand même assez loin, c'est que finalement non seulement il nous manipule mais en fait il nous attendait puisque c'était limite anticipé le fait que nous on allait venir, parce qu'on le découvre à la toute fin, Jack est en réalité le fils de Dark Vador, le fils de Andrew Ryan, et en fait on a été créé génétiquement. Ça c'est un peu le truc un peu bizarre du jeu. Ils ont récupéré un embryon et qu'ils ont fait vieillir. Ils l'ont fait en 4 ans, ils l'ont fait vieillir et devenir un humain. Et puis il a été conditionné psychologiquement par Fontaine pour obéir dès qu'on lui dit Would you kindly, je vous prie, en français. Et du coup, en fait, même on apprend que par exemple le crash de l'avion, c'est lui qui va faire le détourner l'avion pour le crasher pour pouvoir arriver dans la. Parce que l'idée de Fontaine, c'était d'utiliser le propre fils de Ryan pour évidemment le faire tomber et prendre le contrôle total de Rapture. Oui, sachant qu'il y a par exemple la bathysphère qu'on utilise pour descendre, elle ne peut être utilisée que par les porteurs de l'ADN d'Andrew Ryan. C'est bien pratique. Donc du coup, il était obligé de prendre un enfant illégitime. Ce qui nous laisse évidemment supposer qu'ils étaient tous consanguins dans Rapture, hein, donc ça explique peut-être aussi ce qui s'est passé au niveau des chromosomes, pourquoi ils ont pété une durite. Mais voilà, donc il y a effectivement ce gros twist, c'est vraiment l'histoire de BioShock, je pense qu'elle peut se résumer à ce fameux twist, puisque du coup on se fait mener par le bout du nez par Atlas pendant tout le long du jeu pour découvrir finalement qu'en fait il nous utilisait à notre insu et ça fait partie des choses qui ont, je pense, beaucoup marqué les gens, puisque quand on le découvre, comme il est tout le temps avec nous dans nos oreilles, Atlas il nous parle constamment, je pense qu'il y avait une espèce de lien qui s'était créé avec ce personnage là on lui faisait confiance, tu vois, il a une voix chaleureuse. Il y a eu d'ailleurs, Ken Lemine, il en parle, il y a eu beaucoup d'essais au niveau des voix pour réussir à trouver la personne qui allait tu vois, la voix suffisamment chaleureuse avec un timbre un peu lourd, etc., qui allait justement donner aux gens l'envie de lui faire confiance, parce que s'il avait une voix de Dark Vador, tu te disais je suis là, à mon avis il est méchant, tu vois, s'il parlait comme les méchants dans Nicky Larson ou quoi que ce soit effectivement tu te serais dit il y a un loup, ça va pas. Il y a eu des playtests justement où des gens ne rentraient pas complètement en confiance avec la voix qu'ils entendaient, et du coup ils ont changé en fait un peu, alors soit le voice actor, soit la façon dont ils parlent. Ils lui ont donné d'ailleurs un accent irlandais que supposément sympathique. Moi je me pose quand même la question, je reviens un peu dessus parce que du coup j'ai fait le jeu récemment sur cette espèce de twist. En fait, le truc, c'est que un twist, pour que ça marche, il faut que, en fait, un twist, c'est une nouvelle information, et il faut qu'à la lueur de cette information, tout ce qu'on t'a raconté avant, ça soit toujours valable, mais que tu le vois avec une autre perspective. Et le truc, c'est que, en fait, il y a un double twist, c'est-à-dire que d'un côté, tu apprends que tu as été conditionné psychologiquement à obéir au truc, mais de l'autre, c'est que on te manipulait, on te racontait des conneries. Et du coup, je comprends pas en fait l'intérêt qu'a Frank Fontaine à nous raconter des conneries, puisque de toute façon, il peut nous faire obéir avec le Would you kindly, tu vois. C'est-à-dire que toute son histoire avec ses enfants, sa famille. En fait, ça lui sert à rien. Parce qu'en fait, au début du jeu, on est censé essayer de sauver la famille d'Atlas C'est ce qui va te motiver à faire le truc. Mais le truc, c'est que en vrai, dans l'histoire, Jack, il en a pas besoin, puisqu'il a le Mais c'est parce qu'en fait, Jack, il existe pas vraiment. Puisque du coup, le twist, s'il fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il mindfuck le joueur et les joueuses. Mais il mindfuck pas le personnage. Mais c'est ça, justement, je trouve qu'il y a un décalage en fait. C'est-à-dire que, effectivement, toi, le joueur, t'as fait confiance à Atlas, mais le Would you kindly ne fonctionne pas sur toi, et à l'inverse, en fait, c'est le Would you kindly qui fonctionne sur le personnage et pas sur toi. Après, là où le twist il est aussi un petit peu méta, c'est que indirectement ça fonctionne sur toi, dans le sens où toi en tant que joueur, tu fais ce qu'il te dit de faire et t'y fonces. Après, c'est parce que la structure du jeu fait que c'est linéaire, c'est des couloirs, etc. Mais c'est pour ça que ça a été beaucoup apprécié en 2007, c'est que il y a ce côté, tu réfléchis un petit peu à ta condition de genre. Alors, je mets des guillemets, hein, c'est pas non plus incroyable, mais ce côté, oui, c'est vrai que j'obéis à des gens en fait sans vraiment réfléchir plus que ça. Mais de toute façon, t'aurais pas le choix, puisqu'il y a le Would you kindly, tu vois. Voilà. Donc, s'il y a un truc, moi, il y avait un espèce de petit décalage qui fait que pour moi, c'est un petit peu tombé à l'eau, tu vois. Son histoire de famille, finalement, je me dis, pourquoi t'as besoin de me raconter ça, puisque je t'obéis, quoi qu'il arrive. En tout cas, dans l'histoire, ton personnage obéit quoi qu'il arrive au truc. Mais en même temps, il faut aussi rappeler que Jack, il a aucune existence. Oui, il n'y a pas de dialogue dans le jeu, ni quoi que ce soit. Donc en réalité, on joue vraiment une coquille vide. Hein. C'est vraiment le personnage de jeu vidéo classique. En plus de ça, on pourrait presque croire qu'il est amnésique. En même temps, c'est normal, il n'existe que depuis 4 ans. Il l'est un petit peu, du coup, je crois que c'est présenté. Je crois qu'il y a un petit. T'as des espèces de flashbacks, de souvenirs parfois, en fait, quand, en fait, à force d'utiliser la dent, t'as des fantômes qui vont apparaître, des trucs comme ça. Et tu revois un peu des choses de ton passé qui ont été un petit peu intégrées de toutes pièces à ton truc. Il y a une autre couche de l'histoire dont j'ai pas parlé, mais parce que le twist, c'est vraiment le truc central de BioShock. Mais il y a, du coup, cette idée qu'ils avaient depuis le début du développement qui était cette espèce de triangle entre les collecteurs, les protecteurs, etc. Et donc c'est ce qui a donné les Big Daddy et les petites sœurs, et ça c'est un peu la couche supplémentaire qui permet du coup de peut-être, je pense que c'est pour ça aussi que l'histoire fonctionne auprès des gens et qu'on se laisse avoir par le twist, parce qu'on s'intéresse quand même beaucoup plus aux petites sœurs, puisqu'on sait que c'est un enjeu central de l'histoire, où on doit les sauver ou les tuer, on choisit ou pas d'ailleurs, bon, c'est pas un vrai choix, on en reparlera, mais on peut choisir de mettre fin à la vie des petites sœurs ou d'essayer de les sauver. Et cette idée avec les Big Daddy et d'avoir besoin de la dent, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un truc qui est complètement optionnel. On peut très bien choisir de finir le jeu sans jamais interagir ou interagir avec un minimum de ouais. Big Daddy. Et du coup, comme c'est laissé là, bah, je pense que le jeu, tu vois, voulait un peu brouiller les pistes pour que tu aies d'un côté les enjeux liés au Big Daddy, oui, tout à fait, d'un autre côté les enjeux avec Atlas. Ouais. Comme il y a plusieurs plots en même temps, tu te laisses un peu embobiner par tout ça et donc ça fonctionne finalement grâce à cette espèce d'imbroglio qui est créé. Surtout que le jeu ne se termine pas avec le twist, hein. Il y a toute une autre partie qui s'enchaîne, justement on est récupéré tout un tiers du jeu, par Tadenbaum, là, donc la fameuse scientifique qui est responsable de la dent et qui a aussi créé les petites sœurs, et si on les sauve toutes, alors d'abord on va devoir justement, bah, une fois qu'on a buté Andrew Ryan à son ordre, hein, qui nous dit toute une espèce de scène où on a quasiment plus le contrôle de la, du jeu, où il nous dit would you kindly, et tu lui mets des coups de canne dans la tronche, je sais plus avec quoi tu le tues, et une fois que ça c'est fait, bah, on va se faire débrainwashed par la Tadenbaum et on va aller tuer justement Frank Fontaine qui nous révèle d'ailleurs le twist juste après la mort de Ryan, et à la fin, si on a sauvé toutes les petites sœurs, eh bien, Jack retourne à la surface avec elle et les élève comme ses propres filles et leur permet de connaître l'amour, les études, le travail salarié. Le rêve américain. Voilà, le rêve américain, et il meurt paisiblement avec la main de toutes ses filles autour de lui. Et c'est magnifique. Et si... I think it's beautiful. Et si on les... Et d'ailleurs, juste, j'ai rematé cette fin sur un let's play. C'est hyper abrupt, en fait, cette cinématique, elle dure, donc, je sais pas, peut-être 30 secondes, maximum une minute, et boum, t'as direct, tu retournes dans l'écran de jeu. En tout cas, le respect que j'ai vu, il n'y a même pas de crédit de fin ou quoi. Non, c'est boum, ouais, tu retournes à l'écran de jeu comme si au cinéma, tu vois, le perso, il sortait le dernier mot du film, et boum, les lumières s'éteignent, et t'as une musique en main d'aller. Et on te dit, cassez-vous, ouais, tu vois, t'as l'ouvreuse qui vient. Mais du coup, t'as une autre cinématique. Il y a la fin alternative si tu n'as pas sauvé les petites filles. Et là, ça se passe très mal. Voilà, tu rejoins les Crozomes et tu vas voler un sous-marin nucléaire. Oui, voilà, tu montes à la surface, sur le chemin, il y a un sous-marin nucléaire qui passe, et du coup, tu récupères la nucléaire. Ce qui arrive très souvent. Mais bien sûr. D'ailleurs, si vous allez nager dans l'Atlantique. Moi, je sais que j'étais à La Rochelle l'été dernier, j'étais sur mon paddle avec les gosses, et qu'est-ce que je vois ? Un sous-marin nucléaire. Les enfants me disent, viens, on récupère. Je dis, non, les enfants ne peuvent pas. Mais non, parce que toi, tu as sauvé les petites filles. Exactement, voilà. J'ai sauvé les enfants, voilà. Et apparemment, ces cinématiques auraient été plutôt une pression, une volonté, ouais. En tout cas, de Toukaï. Ouais, tout à fait. Puisque Levin voulait juste une fin plutôt ambiguë, et c'était une décision plutôt commerciale, puisque voilà, on sait, il y a toujours des gens qui vont juste recommencer le jeu en mode je sauve toutes les petites sœurs ou je ne la tue. Non, mais puis, surtout que tu le vois vraiment concrètement dans l'exécution, comme tu le dis, tu vois déjà, il y a cette fin, donc il y a l'espèce de petite sœur qui, une fois que tu as battu Frank Fontaine, qui s'est transformé en Dr Manhattan, boosté à la dent de tous les côtés, elle te donne les clés de la ville, entre guillemets, et après, bim, ça passe sur cette espèce de cinématique qui t'emmène sur une thématique quand même assez différente, que ce soit la famille, le nucléaire, t'es là, t'es bon, ok, pourquoi pas. Et c'est vrai que t'as l'impression que ça a été un peu entré au forceps, tu vois, ça prolonge pas vraiment ce que t'as vécu jusqu'ici, et c'est un peu particulier. Ça, on va en reparler, je pense, tout du long, mais la relation, les tensions entre Touquet et le studio Irrational Games, ça fait partie malheureusement de l'identité de Bioshock, et en tout cas de l'héritage qu'on peut en retirer aujourd'hui, puisque ça s'est très mal passé entre les deux studios. Ouais. Il y avait, il faut savoir que, j'allais dire Looking Glass, Irrational Games, ils étaient très en retard, ils ont pris énormément de temps à le développer, hein, 5 ans même pour l'époque, ça commençait à coûter du blé. Ils auraient voulu avoir 6 mois de plus. Finalement, Touquet, à un moment donné, ils ont mis un ultimatum en disant vous nous sortez le jeu, je veux pas le savoir. À un moment donné, Ken Levine, par exemple, concernant la relation avec les petites sœurs, il voulait qu'on puisse les tuer, alors que dans le jeu final, on ne peut pas leur tirer dessus, ça ne sert à rien, ça ne fait rien. Il voulait que ça, du coup, ait un impact émotionnel et un peu edgy, un peu plus violent, puisque du coup, bah, vraiment tirer sur des enfants à l'époque dans le jeu vidéo, ça se faisait pas. Et ça d'ailleurs, toujours ça pas, ne s'est pas fait. C'est un des tabous. Du ouais, jeu. Ça fait partie de ces tabous-là, et Touquet, évidemment, a mis du point sur la table en disant c'est nous qu'on a le chèque, donc tu fais qu'est-ce qu'on te dit. Et c'est vrai que cette notion de fin un peu bâclée, bah malheureusement je trouve que c'est assez révélateur de ces relations un peu tendues qui peuvent exister parfois entre éditeurs et développeurs, surtout quand il y a une vision d'auteur, on peut dire, qui est aussi forte. Parce que Ken Levine, quand tu l'entends en parler de son jeu, tu sens qu'il avait vraiment tout en tête, qu'il avait vraiment envie de l'amener quelque part. Alors je dis pas qu'il l'a pas fait, je pense qu'il doit être très content de ce qui s'est passé, mais tu sens qu'il en avait encore sous le pied. Bah, de toute façon, toujours je pense les gens les plus frustrés par les jeux en général, c'est ceux qui l'ont fait, puisque eux ils savent tout ce qui a été coupé. Voilà, dans la réalité du développement, c'est que t'as jamais le temps, t'as jamais les moyens de faire vraiment le jeu que tu voulais faire. Il y a ces réalités de production. Juste déjà le sortir, c'est déjà un objectif qui est déjà assez compliqué. Et puis tu vois en fait vraiment la différence entre la fin d'un jeu, ce que ça bénéficie en termes de production, et l'intro qui est complètement dingue. Vraiment en termes de mise en scène, tu sens que là, en tout cas, il dit il faut qu'on accroche les gens, alors que la fin finalement c'est beaucoup plus anecdotique. Ça arrive parfois aussi dans la production, mais voilà, tu sens tout ce qui a été mis sur l'intro comparé à tout ce qui a été mis dans la fin. Que sur les 50, ils étaient avec leurs pelles et avec tous les billets qu'ils jetaient dans la fournaise, et à la fin il reste genre un billet, tu vois, pour la cinématique de fin. C'est tout ce qui nous reste, les gars, vous débrouillez avec ça. C'est le fameux concept de First Hour Experience. Ouais, c'est l'idée qu'en gros, en fait, c'est assez pervers cette idée-là, parce que l'idée, c'est que la première heure de jeu soit vraiment très très cool, pour que tu aies une très très bonne impression, pour que à la fois en tant que joueur, tu aies envie de continuer, mais à la fois en tant que testeur, tu aies une impression suffisamment bonne au départ pour que tout ce qui va mal se passer après ne baisse pas trop la note. C'est un peu cynique de le dire de cette manière-là, mais malheureusement, c'est la réalité du truc. Souvent, le début des jeux, et vous pouvez le constater dans un tas de jeux. On en avait parlé dans God of War. Oui, voilà, tout à fait. Il y a tout un tas de jeux où la fin est évidemment bâclée. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus le temps, tout simplement. C'est assez rare les jeux qui se permettent d'aller vraiment au bout. Et même des jeux, tu vois, qu'on adore, les Dark Souls, des choses comme ça, les cinématiques, ça dure 30 secondes. Ouais, et puis, c'est hop, tu retournes au feu de camp et puis tu enchaînes parce que justement, il n'y a plus de budget, il n'y a plus de temps. Donc, c'est assez rare finalement les jeux qui vont vraiment prendre le temps de bosser comme ça le dernier tiers du jeu. Là, ils l'ont fait puisque du coup, le twist arrive suffisamment tôt pour que ça fonctionne et que ça fasse vraiment un gros climax et qu'après, on ait un énorme tunnel jusqu'au jusqu'à la confrontation. C'est vrai que le fait que le twist arrive à ces deux tiers du jeu, ça donne le temps de digérer encore ça, d'être encore un peu dans l'action et de bien pouvoir l'intégrer finalement à tout l'arc narratif du jeu. Donc ça marche, parce que ça si le jeu avait terminé, à ce moment-là, ça aurait pas fonctionné, en fait, je pense, parce que du coup, tu ne l'aurais pas joué et comme tu l'avais dit tout à l'heure, on n'aurait pas eu les conséquences de ce truc-là. Donc même s'il y a des incohérences qu'on peut relever, c'est pas très compliqué. Le fait qu'on passe plusieurs heures à poursuivre Fontaine après, ça nous permet de vraiment prendre la mesure de putain, il nous a menti, il nous a manipulé, je veux me venger. Et donc du coup, ça te permet quand même à ce moment-là de vraiment être en accord avec le personnage et de se dire maintenant il s'est foutu de ma gueule, tu vois, shame on me, mais la deuxième fois c'est pour lui. Et puis dans la tradition des FPS, il te faut un boss de fin, comme très souvent aussi. Du jeu vidéo, il te faut un boss tu vois, depuis l'arcade on a besoin d'un boss pour te faire perdre et te remettre une pièce, quoi. Du coup, on peut reprendre un petit peu sur cette idée de First Hour Experience, parce que finalement elle résume très très bien toute la teneur du jeu et tout ce qu'il va essayer de mettre en place. Il y a vraiment cette intro, tu l'as dit, avec les femmes, le grand phare. Ensuite, il y a un petit début un peu horrifique qui est vraiment d'ailleurs un petit peu une rémanescence de ce qu'il voulait faire au début, puisque le projet de base aussi avait l'ambition de faire un truc horrifique avec des créatures assez immondes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des artworks du projet de base sur internet. Et ensuite, après, on part sur vraiment il y a vraiment ce mélange qu'on retrouve des jeux Looking Glass avec un peu le côté FPS, mais aussi le côté pouvoir et le côté narration environnementale, l'ambiance qui va aussi avoir une grande importance. Moi, je repense toujours à cette image avec la meuf là, avec son berceau, avec une lumière qui projette son ombre contre le mur. Je crois que c'est une image que tous les gens qui ont joué à BioShock, c'est une image qui nous est tous restée en tête. C'est peut-être le 2 ou 3e ennemi qu'on croise, donc c'est vraiment au tout début. Toi, déjà, tu viens d'arriver, tu sais pas trop ce qui se passe. Il y a Atlas qui essaye de te mettre en confiance et du coup tu vois effectivement cette ombre projetée, donc ça marche très très bien. Et quand tu te rapproches en réalité et que tu te penches sur le berceau, elle est en train de dorloter un flingue. Donc en termes d'image, ça y est, tu te dis que c'est bon, on n'est pas dans My Little Pony le jeu, on est dans BioShock et ça installe instantanément l'ambiance. C'est des symboles comme ça, ce genre d'images qui sont très très fortes et qui évidemment ne font que renforcer les premières impressions. Parce que ce qui est rigolo, c'est que quand tu vois la ville, tu sais, tu descends et tu vois, il y a les raies, il y a les baleines, il y a les poissons, tu vois cette ville absolument gigantesque, t'as plus l'impression d'être dans Indiana Jones ou un film d'aventure où tu te dis waouh, la cité merveilleuse, l'Atlantide, évidemment, ça va être tellement beau et tout. Et là, non, il te ramène terre à terre. Un peu. On va se calmer tout de suite, tu vas en chier et ça fait un peu peur. Et bienvenue au royaume de la cradasserie, tous les trucs. Oui, parce que les chromosomes aussi, ils ont quand même un sound design assez particulier. Ils aiment bien susurrer des mots. Moi, alors, je vais vous raconter une anecdote perso. Quand j'étais en CM1, il y avait un CM2 dans la cour qui s'amusait à nous choper et à nous dire je vais t'emmener dans le laboratoire secret. Il avait un délire un peu particulier. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il est devenu dans sa vie, mais bref, en jouant à BioShock, la légende veut qu'il s'appelait Ken Levin. les gens dans BioShock te susurrent un peu des saloperies comme ça et tu sens qu'ils ont envie de te faire des choses méchantes. Ils sont devenus complètement fous et puis tu les entends aussi. Parfois, ils te parlent pas à toi, ils parlent entre eux, ils sont dans leur folie. Ils parlent à eux-mêmes. C'est des junkies de la dent et t'as vraiment ce délire un petit peu comme ça coup, qui en manque. C'est assez oppressant, tu sais pas s'ils vont surgir, parce que la première qu'on voit un peu en cutscene, tu sais, elle saute, elle est hyper agile sur les murs et tout, c'est pas trop d'où. Et on la combat pas tout de suite, ça c'est pas mal, c'est un peu du foreshadowing, parce qu'on va la combattre plus tard quand on récupère l'appareil photo. Du coup, c'est pas mal parce qu'au début, t'as vraiment des ennemis de base qui te courent dessus en mode sérieux Sam, sans trop réfléchir. Un truc pour te taper dessus. Et très rapidement, tu vas découvrir du coup le plasmide avec cette fameuse séquence. Hein. Ça a l'air de rien, mais en 2007, le body awareness, le fait de voir comme ça ses membres d'un personnage en FPS et a fortiori sur console, c'était nouveau parce que de toute façon, bon, l'FPS sur PlayStation 2, il se compte sur les doigts d'une main, hein, avec Killzone et peut-être Résistance, mais c'est tout. Mais même un truc comme Half-Life, on voyait justement pas les mains. Enfin, c'était typique de voir les petits peu, pieds, il y avait des trucs. Mais tu voyais les bidons, quand tu portes un bidon, c'est juste le bidon qui se déplace devant toi. Sinon, juste dans System Shock 2, du coup, qui est quand même l'inspiration, quand tu utilises des pouvoirs psychiques, tu vois un bras, mais en fait, il est immobile, tu vois. Enfin, alors que là, t'as vraiment de l'animation. Alors que là, les doigts bougent dans tous les sens. Hein. D'ailleurs, le mec a un problème, il ne sait pas être calme, il est tout le temps après bouger. Tu sais, avec la clamolette, il tape tout le temps dans sa main et tout, c'est assez rigolo. Il a que 4 ans et il est en train de se droguer avec des trucs qui modifient son code génétique. Mon cher Hugo, je te mets au défi d'être en meilleur état. Mais ce qui est vraiment cool, juste pour continuer là-dessus, c'est qu'en fonction du pouvoir aussi, les mains vont avoir une. C'est toujours sympa. Oui, parce que du coup, ça te permet d'avoir une espèce de petit feedback, de savoir que ça, c'est les flammes, ça, c'est les éclairs, etc. Donc, le premier pouvoir que tu chopes, c'est l'éclair, si je dis pas de bêtises. Moi, du coup, c'est vraiment cette séquence de gameplay où tu te retournes, tu viens de le trouver. Donc, c'est un moment où tu te dis, je suis super puissant. Tu as évidemment une flaque d'eau qui est là avec des ennemis qui sautent directement. Dans l'escalier, je te le dis, c'est écrit vraiment. Vas-y. Tire la foudre et là vraiment tu sens cette espèce de puissance et du coup ça te permet de mieux comprendre encore l'univers parce que tu comprends du coup le délire tu vois de mégalomanie des gens qui peuvent avoir accès à ça et qui l'utilisent du coup là-dedans justement. Mais moi ce que on parlait un petit peu du gameplay et on voit bien dans cette première heure toute l'inspiration en fait de l'immersive sim et tout l'héritage qu'ils voulaient y donner puisque l'idée c'était de faire du FPS certes mais un peu augmenté. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est quand on reparle dans les making-of, au début, c'était un pur RPG. Il y avait des stats, ils le disent, que si tu voulais porter un objet, tu avais besoin de certaines stats, tu pouvais pas ouvrir des portes, tu pouvais pas faire ci, etc. Ils se sont rendus compte que tous ces trucs-là, finalement, ça alourdissait le gameplay, et ils ont lissé petit à petit, ils ont enlevé les couches de gras au fur et à mesure, et ça a donné quelque chose qui n'est peut-être pas un immersive sim, en tout cas, moi, pour moi, c'est vrai qu'il n'en est pas un, mais qui continue quand même de s'en inspirer, vraiment une espèce d'hybride. Ils gardent vraiment les trucs, finalement, essentiels et un peu fun qui reviennent, c'est-à-dire t'as les flaques d'huile que tu vas pouvoir enflammer, t'as la glace que tu vas pouvoir faire fondre et si tu l'utilises hop ça frise un peu les ennemis donc tu peux les casser après, t'as l'électricité qui va stun mais qui va servir aussi à ouvrir certains interrupteurs un peu cassés, t'as les mécaniques du hacking, des choses comme ça, donc tu retrouves plein de petits éléments mais on garde le truc superficiel, ce serait pas le bon mot parce que ce serait péjoratif, mais très simple, tu vois, c'est juste direct l'électricité, hop l'eau qui fait des dégâts et trucs comme ça, truc très fun en fait, avec des feedbacks très immédiats et c'est ça qu'ils ont décidé de garder. C'est qu'il y avait vraiment un côté très ludique, ils avaient vraiment cette envie de, je pense, de nous faire ressentir cette puissance du personnage qui est capable, parce qu'il faut bien se dire que Jack il est un peu à part dans l'univers de Rapture, parce que c'est un des seuls qui est capable de supporter de se mettre autant d'Adam dans les veines sans mourir ou sans devenir fou quoi. Donc il peut cumuler tous les pouvoirs, il y en a pas mal, hein. Il y a aussi le fameux pouvoir là des abeilles, sachant qu'à la base en fait au début tu devais, enfin dans les développements, dans les premières idées, on utilisait la dent en fait en prenant des codes génétiques d'autres bestioles, donc par exemple t'allais prendre effectivement les abeilles, donc t'allais pouvoir utiliser le pouvoir des abeilles, mais ça pouvait être, je sais pas, des limaces, des trucs comme ça, et t'allais prendre des caractéristiques spécifiques de ces bestioles là alors c'est pas resté au final, mais les abeilles sont restées de ces concepts là. Et il reste quelques mécaniques RPG aussi, tu peux customiser ou améliorer ton inventaire t'as des upgrades typiques, tu peux augmenter ta vie, tu peux augmenter la fameuse dose là, la mana tout simplement. Tu peux augmenter tes armes, tu peux les améliorer, tes pouvoirs tu peux les upgrader je crois une ou deux fois il me semble, t'as l'éclair plus, éclair plus, et puis t'as aussi plein de petits pouvoirs passifs, je sais pas, moins se faire repérer par les caméras et plein de petites choses. Il y a plein de petites conditions qui te permettent de customiser un petit peu l'ensemble, ce qui pour l'époque sur un jeu console, c'est pas du tout péjoratif de le dire, mais c'était relativement innovant parce que c'était pas encore quelque chose qu'ils avaient l'habitude d'avoir, mais en même temps c'est normal parce que c'était le début de cette génération là, il y avait tout à inventer, et Bioshock il a mis un peu peu les bases de ce truc-là, avec l'idée qu'on ait tout un tas de pouvoirs qui étaient d'ailleurs optionnels. Moi, en le refaisant, j'étais persuadé que c'était tout, tu les obtenais les uns au fur et à mesure des autres. Et en fait, non, moi j'ai fait quasiment tout le jeu qu'avec l'électricité. Le pouvoir des abeilles, là par exemple, moi je ne l'ai pas acheté dans. Non, je ne l'ai pas pris du coup, parce que j'ai boosté l'électricité à fond, j'ai amélioré également le hacking des sentinelles parce que c'est rigolo. Mais voilà, c'est toi qui es libre en fait de choisir d'augmenter ou non les différents emplacements. Donc tu as quand même une certaine liberté, mais qui ne se retrouve pas dans les vraies solutions que le jeu cherche à te faire trouver, puisqu'au final, on reste dans un jeu plutôt d'action. Ouais, c'est vrai que moi, c'est vraiment ce qui m'a surpris quand même en jouant à BioShock, parce que tu vois, on le disait, bon bah voilà, pour toi, c'est pas un immersive sim, ça peut discuter, mais peu importe, c'est pas intéressant. Ce qui est cool, c'est que moi, je le voyais surtout comme ça, et là, en y rejouant aujourd'hui, je disais, ah ouais, c'est quand même vraiment de l'action, mais presque du fast FPS, enfin vraiment, c'est très fast-paced. Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de situations vraiment typiques du FPS, hein. Le jeu te dit régulièrement, en fait, il y a des couloirs, hop, tu te tapes un peu les ennemis, et après, dans la zone, ils te disent, oui, vous avez besoin de trois machins pour fabriquer un truc, et là, tu vas vraiment nettoyer toute la zone littéralement, te taper tous les ennemis. Il y a des situations aussi, il y a des moments où il y a un moment où Atlas il te dit que tu te fais attaquer, il faut essayer de fermer une porte avec de la glace, et si tu le fais pas, t'as plein d'ennemis qui vont te tomber dessus. Donc là on passe un peu en mode défense, en mode un peu survie. C'est des situations de FPS assez classiques. Et puis bah voilà, il y a tout l'arsenal vraiment classique du FPS, hein, la mitraillette, le fusil à pompe, c'est vraiment le truc croissant, tu vois, tu vas de la clé à molette au lance-grenade, vois, en passant, et t'as toujours une croissance, tu vas avoir le revolver, tu vas avoir la mitraillette, tu vas avoir le fusil à pompe, et ça c'est il n'y a pas plus classique, et t'as même l'arbalète, je crois. Ouais, à la fin. Ce qui est assez rigolo, c'est de noter que on n'était pas, même si Call of venait de sortir, on n'avait pas encore basculé vers l'option du deux armes uniquement. Tu vois, on était encore à l'idée de tu as plusieurs armes dans un FPS, t'en as plus de deux, et c'est peut-être un des derniers jeux en fait qui proposait ça. Oui, c'est vrai, parce que sur console, je pense même à Gears of War, où c'était typique, t'avais, tu sais, chaque arme qui était assignée. Ouais, t'en avais quatre. Donc c'était déjà beaucoup. T'en avais deux aussi, ouais. Ouais, d'accord, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça a été un truc qui a mis du temps. Il a fallu attendre Doom, tu vois, une des. On en parlait dans l'épisode qui est consacré, qu'on vous recommande, hein, parce que c'est une excellente émission, fin du game. Du coup, le fait de revenir à un jeu avec autant d'armes, bah, ça faisait finalement des années qu'on n'avait pas vu ça. Ce qui, à l'époque, bah, c'était la fin d'une ère, en fait. Tu vois, c'est assez rigolo de voir que bah, on a lié un peu les deux bouts, hein, grâce à notre émission. Oui, c'est marrant. En tout cas, sur la partie action, c'est vrai que c'est des jeux qui peuvent se renvoyer un petit peu la balle. Et oui, on peut vider littéralement toutes ces munitions en alternant toutes ces armes sur la tronche des Big Daddy. Et je rebondis sur ce que tu avais dit en rappelant vraiment le fait que c'était un FPS qui sortait sur console. Contrairement à, par exemple, le System Shock 2, alors on disait que c'était des piliers, c'est un peu des références de leur milieu, mais il faut savoir que ça reste assez confidentiel. Aujourd'hui, je crois que c'est Ken Levine dans une interview, il disait, qui a dû être faite il y a quelques années, c'était après la sortie de Gnome en tout cas, parce qu'il parlait de ça, et il disait qu'il y a probablement plus de System Shock 2 qui se sont vendus, genre cette année ou les deux dernières années, que l'année de sa sortie, tu vois. Oui, forcément, c'est comme Deus Ex, tu vois, du jour où il y a eu l'édition GOTY qui est sortie sur Steam, ils s'en sont vendus à l'appel parce que finalement à l'époque tout le monde connaissait le nom, tu vois, il l'avait entendu, mais pas forcément tout le monde c'était avait culte, la possibilité quoi, d'y jouer. C'est vraiment les jeux cultes qui sont faits par une petite niche comme ça, de bouche à oreille, qu'on parle beaucoup, et quand ils ressortent, enfin clairement c'est ce qui va se passer par exemple avec Nier, c'est un complètement autre univers, mais là s'il ressort le Nier, s'il y a un remaster ou un truc comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont qui vont se jeter dessus parce que bah ils ont joué aux deux, ils se sont dit bah j'ai pas pu faire le 1 parce que bon il est introuvable aujourd'hui, il coûte très cher. Du coup bah oui, ça sera l'occasion de le retrouver quoi. Parce que du coup les immersive films, donc fin 90-2000, c'est vraiment c'est des jeux qui sortent que sur PC, et puis t'as aussi si t'en as loupé un, bah deux ans après t'en as deux trois autres qui sont sortis, c'était une période où aussi ça sortait très souvent, et du coup la BioShock ça arrive sur console. Et donc, il y a cette nécessité d'épurer, en fait, ce côté immersive film. On parlait tout à l'heure de System Shock 2, ou même de Deus Ex, donc t'as des inventaires, t'as des onglets, voilà. Là, dans BioShock, t'as tout un arsenal, mais tu n'as pas d'inventaire. T'as des upgrades, mais oui, il n'y a pas tous ces trucs que tu vas traîner. Et pourtant, c'est assez lourd en termes d'interface, hein, parce que du coup, il y a le mini-jeu du hacking, il y a quand même tous les menus, sous-menus, etc. Ouais. Ça reste, tu sens qu'ils n'ont pas encore été jusqu'au bout de leur idée. De toute façon, ça a toujours été compliqué, hein, sur console, de faire des menus bien... C'est rigolo parce qu'il n'y a pas encore toutes les règles, tu vois, le fameux menu, ce qui est le menu radial dans Gears of War où tu vas choisir la direction, c'est pas encore arrivé dans BioShock. Enfin, tu sens que vraiment c'est un jeu qui au départ, je pense, a été pensé plutôt pour l'univers du PC, puis rapidement ils se sont rendus compte que c'était pas pertinent de le faire, ils l'ont mis sur console et ils ont essayé d'adapter au fil du temps un petit peu le gameplay, la prise en main, etc. Oui, puis même le gameplay, tu vois que c'est pas un FPS où c'est la visée vraiment qui compte, tu vois, c'est tu peux largement t'en sortir en étant avec tes deux joysticks, en étant proche des ennemis. ennemis, c'est pas bien compliqué, comme c'est assez confiné, c'est voilà, c'est pas un, c'est pas un FPS de visée, de skill, de no scope, headshot quoi, c'est vraiment pas du tout là-dessus que ça joue. L'éclair, il a une zone d'effet de l'enfer, tu peux vraiment choper et stun facilement l'ennemi, et après une fois qu'il est stun, bah il y a plus besoin de faire grand chose, tu te rapproches, tu voilà, tires dessus, tu ça marche. Il y a juste 2-3 passages où on te demande un peu d'agilité, mais c'est la fois où tu chopes la télékinésie, parce qu'il faut choper les fameuses grenades que tu vas renvoyer au type sur son balcon. Mais c'est une des rares fois, et je vous invite, si jamais vous refaites le jeu, vous verrez que c'est une des rares salles qui est aussi grande et qui est aussi vide. Il y a très peu d'endroits avec beaucoup de superficie au sol, et là bah, c'est une salle qui est très grande pour justement donner aux gens le temps de regarder en l'air, bien attraper la grenade et la renvoyer, et que tu sentes bien la puissance du truc. Mais par la suite, c'est très très rare qu'on croise des zones aussi grandes finalement. Et pour continuer sur les pouvoirs, l'écrasante majorité ils sont offensifs. Je pense à éventuellement une exception, celle qui te permet de, mais qui l'est indirectement, mais qui te permet de contrôler, je crois, les Big Daddy, ou pas vraiment les contrôler, mais de faire en sorte qu'ils soient alliés et qu'ils se battent du coup contre les gens qui se battent contre toi. Donc ça reste quand même assez offensif au final. Mais entre le feu, la glace, les abeilles, l'électricité, bah ça reste. En fait, c'est d'autres armes en fait, tout simplement. C'est ça. Tu peux vraiment t'en servir simplement pour faire du dégât. C'est-à-dire sans vraiment réfléchir à te dire je vais pouvoir faire des solutions un peu créatives, parce qu'il y a la possibilité de le faire. Hein. Je sais par exemple, j'avais lu les tests, il y en a qui disaient que tu pouvais enflammer un ennemi et après t'avais des lance-missiles thermoguidés qui allaient les suivre. Donc tu peux faire un petit peu les fameuses creative kills hein, dont on parle beaucoup par exemple avec Dishonored. Donc tu peux retrouver ça, mais dans l'ensemble tu peux jouer de manière très très bête et méchante à BioShock, et le jeu ne te pousse pas particulièrement de toute façon à sortir de ta zone de confort, malheureusement. Et je pense que ça c'est vraiment le truc qui est le plus important à noter et qui m'a le plus surpris comme toi quand j'ai refait le jeu là il y a quelques semaines, c'est de se dire qu'en fait le jeu nous pousse jamais à autre chose que utiliser nos balles et utiliser nos pouvoirs. On est dans un jeu vraiment d'action, et contrairement aux immersive sims où il y a toujours cette notion de liberté et de solution, l'infiltration tu peux en faire mais ça n'a aucun intérêt, et le jeu ne te donne pas vraiment de on va dire d'outils pour vraiment exploiter cet aspect là du jeu, puisqu'il n'existe pas. En fait, il est vraiment un état embryonnaire. C'est bah, tu peux te mettre accroupi, oui, mais pourquoi faire? De toute façon, tu vas te retourner, il va y en avoir 4 qui vont te courir dessus. Les ennemis, ils ont quand même une IA qui est assez peu développée. Alors à l'époque, c'est assez rigolo parce que, a posteriori, quand tu vois aujourd'hui les interviews, eux, ils allaient dire qu'ils avaient fait le meilleur FPS de l'univers. Il y a un moment où ils se gargarisent un petit peu entre eux, là, c'est un peu gênant à les voir faire. Mais du coup, ils disent que oui, on a fait le meilleur FPS de l'univers, on n'avait jamais vu ça, etc. etc. T'es là, oui, enfin, c'est des mecs qui te courent dessus en ligne droite. Je veux dire, c'est sérieux, Sam. Hein, c'est juste qu'ils crient pas, mais ils font. Comme ça. Et à titre de comparaison, dans Deus Ex par exemple, on a aussi des pouvoirs, on peut s'augmenter, et là c'est avec la nanotechnologie, ça n'a rien à voir, et, mais on a parfois des choix entre soit être plus rapide ou être plus silencieux, parce qu'il y a vraiment cette notion d'infiltration. Et sinon, pour un autre jeu dont on avait parlé, Prey, qui n'a pas non plus vraiment de l'infiltration, parce que tous les ennemis, on doit quand même les tuer la plupart. Il y a quand même des pouvoirs qui nous permettent d'être créatifs dans l'exploration, le contournement, le choix du chemin. Donc il y a le fameux, ça c'était la vitrine, mais le pouvoir mimique qui nous permet de nous transformer en un objet du décor pour pouvoir du coup se faufiler dans certains coins. Bah, dans BioShock, c'est, alors après c'est 2007, hein, mais c'est pas du tout ça. Voilà, les pouvoirs ont vraiment été pensés comme comment buter ton ennemi combat, différemment. C'est quand même des pouvoirs de combat. Il y a même, je repense même aux fameuses caméras là qui peuvent te repérer et parfois qui vont t'envoyer plein de robots sur la tronche. C'est vrai que le motif de la caméra qui te surveille, je comprends pas trop ce qu'il fout là, tu vois. J'ai l'impression qu'il avait envie de faire un peu de l'infiltration. Mais au final, moi, je me retrouve à shooter sur les caméras. De toute façon, dès que tu vois un truc, tu lui tires dessus. Exactement. Et en général, dans l'intégralité des cas, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Exactement. Donc, le jeu là-dessus cherche pas à nous challenger, à nous mettre un petit peu en, comme tu dis, à nous faire sortir de notre zone de confort. Et je trouve que c'est rigolo parce que, ben, a posteriori, quand on se dit, ben, BioShock à l'époque, ça passait pour une espèce de jeu extrêmement libre, alors qu'en fait, c'est juste un jeu qui met en avant uniquement l'action et rien d'autre. Il n'y a pas de plateforme, il n'y a jamais un chemin alternatif par lequel tu vois, il n'y a pas de grille d'aération que tu dois ouvrir, par exemple, et parfois, tu peux passer en travers. Parfois, tu as des petits trucs un petit peu cachés ou très très rares. Les chemins alternatifs, il y en a. Ce n'est pas des chemins alternatifs, c'est juste vraiment une petite zone. Tu vas récupérer un objet, oui, voilà, tu sais, y a des coffres un peu cachés, mais voilà, il n'y a pas de chemin alternatif du tout. Et surtout, moi, ce qui m'a surpris encore une fois, c'est la gestion du rythme. C'est tout le temps de l'action. Tu fais tout le temps tirer. C'est-à-dire que vraiment, dans les jeux actuels, il y a plein de moments où il y a des respirations, des trucs comme ça. Bon, moi, je parle toujours des jeux Naughty Dog parce que je trouve qu'ils savent bien gérer les pauses, les respirations, laisser un peu de la contemplation, surtout dans un jeu comme BioShock où là, vraiment, tu as un univers de malade mental autour, et on va en parler juste après. Bah, c'est vrai qu'on en discutait. Toi, tu t'as regardé des morceaux de Let's Play, et justement, tu peux limite prendre plus le temps de regarder en n'étant pas joueur parce que tu es tellement tout le temps dans l'action. La flèche, elle te dit va là-bas, tue. Et du coup, tu bah, si tu prends pas vraiment sur toi de dire ok vas-y je ralentis et j'observe un petit peu, le jeu lui ne t'aide pas vraiment même, à le faire. Même dans ce cas-là, le jeu va de toute façon t'envoyer des trucs parce que oui, les ça. Zones ne ouais. restent rarement vides, restent ouais, là, rarement vides d'ennemis. Moi j'ai l'exemple, ouais, il a peur de la contemplation, ouais, tu vois. L'exemple où tu vas aller voir le scientifique, enfin le chirurgien esthétique là qui découpe ouais. les nanas pour en faire n'importe quoi. Ouais. Tu vas donc toi c'était une impasse, donc t'as tué absolument tout le monde sur le chemin. Tu le tues ce gars-là, tu prends la clé dont tu avais besoin pour aller dans un autre secteur, et quand tu reviens, il y a de nouveau 45 personnes qui t'attendent et qui sont là juste pour se faire tuer. Elles n'ont pas d'autre intérêt, et tu te dis, bah, vous n'avez pas vu tous les cadavres au sol, enfin, je sais pas, vous n'êtes pas rendu compte qu'on allait vous détruire la tronche. Et un autre truc, moi, qui m'a marqué, et je pense que c'est vraiment une des scènes dont je me souvenais absolument pas, c'est le moment où tu arrives et que tu vois la bathysphère de la famille, entre guillemets, oui, d'Atlas, ouais. où toi, tu es en l'air dans une espèce de sas de contrôle avec des vitres, tu vois le truc, tu es censé appuyer sur un bouton pour les protéger, il y a tout un tas d'ennemis qui se jettent dessus, et en fait à ce moment-là, bah, c'est le moment où la famille est censée mourir, et Atlas est censé être dans un moment émouvant, et dit non, tu vois, tu t'attendais à ce qu'ils se mettent à pleurer ou quoi que ce soit, et non, instantanément, tu as des tonnes d'ennemis, tu as un couloir à traverser avec des tonnes d'ennemis à détruire, et là, instantanément, il prend pas une seule seconde pour marquer son deuil, Atlas, c'est genre ok, vous allez tous les niquer, vous allez tous les tuer, ça va pas se passer comme ça. Et instantanément, t'as la flèche qui revient, et boum, tu remarches, et 3 mètres plus tard, il y a de nouveaux ennemis. Même dans des moments où il y aurait pu avoir une respiration, le jeu n'en met jamais, et moi j'ai trouvé ça vraiment choquant, je pèse mes mots en disant ça, parce que je m'attendais à ce que ça soit un petit peu différent, et en réalité, le jeu ne prend jamais le temps d'installer comme ça son univers, et c'est fou, parce qu'on se dit... Au début, ça prend un petit peu de temps, ça mais marche, après, c'est vraiment... Et après, c'est une immense ligne droite, c'est un énorme tunnel, et ce que ça me fait dire, en fait, a posteriori, c'est que ça explique pour moi les soucis que j'ai pu reprocher à BioShock 2 et Infinite. Cette idée d'action, cet impératif constant d'action, c'était peut-être quelque chose qui les a desservis. Et dans une autre interview, toujours ce fameux making-of là, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont fait une démo à l'E3 au départ en présentant un peu l'univers. Après, il y a une autre démo à Barcelone à l'occasion d'un autre salon, et c'était une démo d'action pure et dure. Ils voulaient montrer le combat. Et la légende veut que Ken Levin, quand il a vu cette démo et la réaction des gens, il a dit aux devs, bah, vous me faites ça tout le temps. Je veux que mon jeu, ça soit 100% du temps de l'action non-stop. Et je trouve ça dommage, tu vois, finalement, de se dire que bah, ils avaient entre les mains quelque chose qui aurait été finalement limite avant-gardiste, puisque bah, le jeu vidéo, on l'a vu hein, dans les années qui suivent, il a commencé à prendre le temps comme ça de nous laisser... À se calmer, de laisser de la place à la narration et compagnie. Le panorama, les trucs, tu vois, la fameuse scène de The Last of Us avec les girafes, etc. Oui, voilà, on va pas la refaire. Ah, ouais. Mais ça, c'est des trucs qui auraient pu arriver avec BioShock, et finalement, ils ont décidé, non, on y va à fond de l'action. Il y a éventuellement quelques moments où tu respires entre guillemets un petit peu plus, tu as des moments des cinématiques scriptées quoi, ouais, des cutscenes d'event. pas des cutscenes du coup, mais ah oui, des choses qui se passent devant tes yeux, ouais. Alors tu as les fantômes, tu as aussi je pense vers le début où tu vois pour la première fois une petite sœur qui est en train de récupérer la dent sur un cadavre, et là il y a un splicer, donc un Crozone qui arrive sur elle, puis le Big Daddy, et toi t'es, en fait t'as une vitre tu vois qui te sépare d'eux, et t'es juste en fait tu observes juste ça, mais effectivement t'es pas libre en fait de regarder ce que tu as envie de regarder, c'est juste là, tu peux pas aller ailleurs, il y a ça qui se passe devant tes yeux, du coup, bah tu vas le faire, donc il y a toujours quand même cette notion un petit peu de contrôle, de s'occuper de ce que tu as à faire et de ce que tu as à regarder. Il y a éventuellement, je pense, à un autre moment quand même où là, c'est un peu du, entre guillemets, du résidu aussi d'immersive sim, tu as quand même beaucoup de narration environnementale. Hein, ah oui, tout à fait. Dans BioShock, vraiment. Il y a un moment, je me souviens, où c'est un peu plus posé, où tu as, et ça t'en raconte sur l'univers, où tu as, je crois, une personne qui est genre crucifiée ou juste abattue, je sais plus exactement les détails, et qui était un contrebandier. C'est marqué genre smuggler, tu vois, t'as le cadavre du mec, et tu vois que dans sa valise il y avait des crucifix et des bibles, puisque c'était une société qui rejetait complètement tout pouvoir dogmatique, et il tuait du coup les gens qui pouvaient ramener un petit peu des idoles comme ça. Ça c'est un des rares moments effectivement tu poses, et en dehors de tous les gunfights, c'est vrai que les Crozones, déjà t'as des voice lines tout le temps, partout tu les entends tout le moment, c'est vraiment impressionnant. Donc quand tu te bats pas contre eux, tu te demandes où ils sont, quand est-ce qu'ils vont arriver, ce qui va se passer, t'as beaucoup de loot aussi. Qui est infernal, donc déjà tous les cadavres tu peux les laisser. Calmons-nous messieurs. Non, mais même en étant que spectateur, ça m'a saoulé en tu fait, passes beaucoup de temps effectivement de voir ça. Tu lootes tous les cadavres, tu lootes des tiroirs, tu lootes vraiment tout ce qui passe, les corbeilles, les poubelles, les tiroirs, les armoires, les machins, les étagères, n'importe quoi est l'occasion de récupérer des trucs, et c'est parce qu'il y a beaucoup d'objets, mais il y en a beaucoup aussi qui te servent finalement pas non mais t'as chose. Des pommes, des machins, des trucs, bah oui, parce que tu peux te nourrir, mais c'est ça, comme tu dis, c'est des résidus en fait de leur intention de départ qui était d'être un RPG RPG. Il y a la fameuse, à un moment, tu peux prendre des paquets de cigarettes qui t'enlèvent de la vie, et ça, c'est le grand classique des immersive sims où c'est l'alcool ou les clubs en général qui font ça. Et bon, c'est un petit peu pour l'ambiance. Mais en tant que spectateur, moi, j'étais là pour remater un petit peu les décors, l'ambiance et tout, que je trouve vraiment très réussi. Mais la personne qui jouait et que je regardais, elle était constamment en train de looter, de faire des trucs. Tu sais, elle regardait jamais, en fait, vraiment autour d'elle. Tu sens que t'as le cerveau, tu vois, un peu reptilien, tu vois, qui regarde où sont les prédateurs, ce qui va se passer, qui va choper du coup les munitions, la nourriture, tu vois, autour d'elle, et qui ne se concentre que ce qui est. Ouais, t'as l'impression de jouer à PUBG. Hein, non, mais avec le recul, c'est un peu ça. C'est t'arrives quelque part, tu prends tout et tu t'en fiches et tu regardes pas ce qui se passe. Tu vérifies juste qu'il y a personne qui va te déranger et tu lui tires dessus si c'est le cas. Et puis même les fameux audiologues finalement qui ont vraiment été énormément popularisés avec BioShock. Hein. On les associe même plus à BioShock qu'à System Shock 2 alors qu'ils étaient déjà là, et c'est normal. Mais c'est vrai que même quand ils te parlent à classe, t'es quand même souvent occupé à faire autre chose, quoi, soit à looter, soit à tirer. Donc c'est vrai que il y a cette. De toute façon, on le disait même dans. On se disait quand on parlait de Gnome que finalement les audiologues ça marche assez rarement. Ça marchait bien dans Gnome parce que justement on te laisse un peu le temps de respirer. Ah, c'est pas pour rien que Gnome a été fait par des gens qui ont bossé sur Bioshock 2, etc. Vous le savez si vous avez suivi l'émission. Et. C'est vrai qu'il y a cette espèce d'ambivalence en fait qui est constante. Toi, si tu te concentres sur l'action, tout ce qu'il me raconte, moi Atlas, j'écoutais un peu d'une oreille, tu vois. Alors forcément, quand il y a le moment, moi j'ai vécu le moment où sa famille meurt, je trouve que ça tombe complètement à l'eau. Ils mettent un petit violon derrière, mais ça sert pas à grand chose, quoi. Bon, et tout ça, même si ça reste efficace, hein, y a quand même pas mal de gens qui apprécient le gameplay. C'est vrai qu'aujourd'hui en 2019, ça peut paraître vraiment anachronique, cette gestion du rythme et de l'action non-stop. Et puis c'est surtout quand même vraiment dommage parce que le jeu, sa vraie force, c'est quand même son identité, son univers, et Rapture, c'est un des lieux peut-être les plus iconiques du jeu vidéo. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits vidéoludiques qui se hissent au niveau de Rapture. Ça, hein. Tu vois, dans la liste, tu vas peut-être avoir Hyrule, quelques temples, de Zelda, des endroits que tout le monde se souvient, dont tout le monde se souvient, mais Rapture, tu le dis, en général, les gens, ils pichent tout de suite. Ah oui, il y a de l'eau, il y a des Big Daddy, tu vois les mecs avec leur scaphandre et leur espèce de... C'est le truc pour... Je sais même pas comment ça s'appelle cet outil là qu'ils ont, une énorme foreuse qu'ils ont à la place du bras. Enfin, moi, du coup, l'image à l'époque, c'était, il me faisait peur, c'est con là, parce qu'ils te jettent sur toi. C'est vraiment iconique ça, ce design. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose avec ce design d'ennemis, c'est rare quand. Et c'était tout con parce qu'en plus, tu te dis, il avait une lumière particulière et dès qu'il s'énervait, lumière rouge à la place du scaphandre, et là tu te dis, oh. Et il s'est énervé. Et vert, du coup, si tu utilises le pouvoir. Voilà, et il était gentil. Oui, c'est très jaune bête. De base, et c'est très con, c'est très jeu vidéo, et pourtant ça marche très très bien. Un truc qui m'avait marqué et que je trouve très bien en termes de game design, c'est que quand tu leur tires dessus, les balles ricochent dessus. Oui, tu vois bien que tu ne lui fais rien. Et ça, je trouve ça très bien fait parce que les autres ennemis, quand tu leur tires dessus, tu sais, ils bougent un peu. Bon, c'est pas ultra bien fait, mais tu comprends que eux, ils sont en train de prendre des dégâts et qu'ils vont bientôt mourir. Le Big Daddy, tu peux lui vider 2 ou 3 chargeurs dans la tronche. En général, ils s'en bat les reins. Et ça, je trouve ça à l'époque flippant parce que tu disais mais mon arme elle sert à rien, et ça te poussait finalement à utiliser tes pouvoirs, et là tu te rendais compte que t'avais les drones, les machins. Et moi je sais que je jouais beaucoup comme ça la première fois que j'avais fait le jeu à l'époque en utilisant justement les sentinelles. Puis il y a le sound design des rebonds des balles qui est très sympa, dung dung dung dung comme ça, comme si vraiment tu tapais contre une espèce de gros truc de métal. Tu sais, c'est les méchants qui tirent sur Superman, quoi. Tu te dis genre lui il est là comme ça à bomber le torse et t'as les balles qui font tout. Et puis il y a aussi un peu ces grognements de baleine un petit peu. Ouais, génial. Il a un sound design assez étudié. Quand tu rentres dans une zone et que tu l'entends, tu sens qu'il est là. Puis et tout de suite, il y a une espèce de pression quand même qui se met en place. Et c'est vrai que ça marche bien. Et ils ont assez peaufiné la mise en scène aussi, parce qu'il y a 2 foreshadowing avec le Big Daddy. Il y a un moment vraiment au tout début du jeu où quand on utilise pour la première fois la dent, donc on s'évanouit et on voit, tu sais, on est dans les vapes en fait. Là, c'est une cutscene et il y a une petite fille qui nous passe. Avec son aiguille énorme, tu la vois vraiment sur la caméra, et après derrière tu vois l'énorme foreuse aussi du Big Daddy. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, parce que t'as eu tout le choc de Rapture, t'as eu le choc des Chrozomes, t'as eu le choc de la dent, des pouvoirs, et là vraiment t'as encore la petite sœur du Big Daddy. Tu dis, ok, il y a vraiment quand même un univers qui est vraiment riche. Et un petit peu après, il y a la fameuse cutscene, le moment scripté dont on a parlé, où derrière une vitre en fait on voit un Chrozome qui attaque une petite sœur et le Big Daddy qui le défonce littéralement, il jette sur lui. Voilà, tu vois ça, tu dis ok, je vais me retrouver face à ça. Ça m'a fait un peu rigoler ce moment parce que ça fait un peu old school, edgy, violent, old school. Tu sais, j'avais vraiment l'impression, parce que j'ai relancé le jeu et je me disais, ah ouais, je fais un petit voyage un peu dans le passé, tu vois l'espèce de foreuse et tu sais, enfin. La collision, elle est pas ouf, hein, tu vois, il y a des trucs, il y a des petits. Enfin, c'est pas. particulièrement précis. Et tu sais, les grosses gerbes de sang, évidemment, hein, parce qu'on est, on est dans le jeu vidéo en 2007, c'est le jeu vidéo mature. Hein, mais, oui, du coup, il faut du sang. Voilà. Il faut du sang. Et du coup, c'est vrai que j'étais là, c'est vrai que c'était comme ça à l'époque. Un truc que je note et que j'avais pas remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'effectivement le jeu te force à ralentir, c'est le même dispositif avec les vitres que tu peux pas casser et que tu es obligé de regarder un truc. C'est marrant, hein, parce que c'est vraiment le seul moment où le jeu, quand tu vas des vitres, ça veut dire que tu vas voir un truc à travers et tu vas être obligé de le regarder. Andrew Ryan est d'ailleurs la seule personne que tu vas voir derrière une vitre avec qui tu vas pouvoir vraiment interagir. Puisque la plupart tu les touches tu pas, fais hein. que écouter y a les gens Tenenbaum, non tu lui parles pas, elle est toujours derrière une vitre, même à la fin avec les petites sœurs, elle est encore derrière une vitre, tu vas jamais la voir. Ah oui, si, tu la vois un moment en estrade, mais tu vas jamais pouvoir bouger autour d'elle. Ah, mais c'est la première fois, justement, c'est justement le premier combat contre le Big Daddy. Elle est en haut avec l'estrade et elle te dit non, sauvez la s'il vous plaît, et là en fait t'as le premier choix qui est de press F to pay respect ou pas, quoi. Mais t'as jamais un personnage auquel tu vas pouvoir tourner autour qui va te suivre du regard. En fait, t'es toujours dans cette espèce de côté, vraiment c'est une télé, tu sais, l'écran c'est vraiment la petite télé et tu regardes ce qui se passe devant toi. C'est une limitation technique, en fait. Un choix, en fait, du développeur. Non, mais hein. Je le dis pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est peut-être pas forcément évident, mais s'ils le font pas, c'est parce qu'ils ont dû vouloir essayer, ça s'est pas fait, et ils ont trouvé une solution de secours en disant on va le faire comme ça, et ça marche. C'est un peu ça le jeu vidéo. C'est comme le fait qu'il n'y ait pas de vie, qu'il n'y ait que des ennemis dans Rapture. C'est vrai que ça. Dans le jeu, on aurait peut-être bien aimé tomber à un moment dans un endroit où se dire il y a encore des gens qui vivent dans ce truc-là, tu sais, ne serait-ce que pour avoir un peu plus d'empathie. Enfin, je pense que ça aurait pu être intéressant de le faire. D'ailleurs, dans Infinite, il y a beaucoup plus de PNJ, de choses comme ça. Mais c'est vrai que là, il n'y a vraiment que des ennemis. Le monde est complètement ravagé, quoi. Mais c'est vrai que le coup des vides, c'est vraiment quand le jeu vidéo veut faire du cinéma, il t'enferme vraiment dans une petite salle et toi, tu vas juste regarder une scène scriptée en face et je pense que Half-Life fait vraiment partie des premiers à avoir complètement. De toute façon, Half-Life, il a vraiment révolutionné le jeu vidéo parce qu'il nous faisait vivre des séquences en première personne et on pouvait en plus les vivre. Et dans le 2, ça allait plus loin puisqu'on devait suivre les PNJ, nous parler, on pouvait leur tapoter sur la tête pour les faire se déplacer. Mais bon, ça c'est un speedrun. Dès le premier, on avait ça. Mais toutes ces séquences comme ça qui ne coupaient pas le rythme et qui surtout ne t'enlevaient pas le contrôle de la manette, c'est une des très grandes forces de Half-Life et j'espère qu'on en parlera un jour dans cette excellente émission que je vous recommande. Fin du. Ça fait trois fois qu'on recommande l'émission. Les gens, ils nous écoutent déjà. En 2020, les mecs, ils nous disent « Mais c'est bon, les gars, arrêtez de faire votre pub. » Ça ne sert à rien. Et puis, si la ville, elle est aussi iconique, c'est aussi justement grâce à cet art déco, hein, toute cette décoration. Alors, l'art déco, pour revenir un peu sur ce que c'est un mouvement architectural, décoratif qui est né au début du XXe siècle. Et c'est caractérisé par différentes choses. Alors, notamment, vraiment, un profond rejet des angles droits. C'est beaucoup des... tous c'est les très immeubles, arrondi, c'est beaucoup d'arrondis. Moi, ça me fait surtout penser à, vous savez, au Gotham du dessin animé de Batman. Enfin, c'est vraiment ce style-là, avec des grands immeubles qui sont un peu arrondis, soit sur le toit, soit sur les angles, il n'y a plus d'angle limite. Il y a aussi beaucoup d'ornements, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup dans BioShock. Alors bon, il y a les grosses statues qui sont vraiment les ornements les plus riches, mais c'est aussi les murs qui vont avoir des petites décorations, des motifs. Il y a même, vous savez, les portes des sas ultra décorées, avec des des espèces des trucs de pégases, il y a toujours des trucs et tout. Ça, c'est vraiment typique de l'art déco. Et puis des grandes fenêtres, et puis bon, là on est sous l'eau, mais des grandes fenêtres qui vont laisser rentrer la lumière. Et puis qu'on a encore une fois du fer forgé autour et des motifs à l'intérieur. Ouais, j'ai en tête juste une image de Batman qui est peut-être la couve d'ailleurs du bouquin Third Edition. Je me demande où tu as Batman à côté d'une espèce de gargouille un petit peu. Oui, voilà, typique. Effectivement, si comme nous, vous tapez Art Déco, vous allez sur Wikipédia, un des exemples marqués, ça va être le Chrysler Building qui lui a justement un sommet très arrondi et il y a des petites gargouilles aussi sur les côtés. Donc on est complètement là-dedans. Ouais. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le jeu, c'est quand même tous les logos de tous les trucs de la ville. Il y a plein de marques de partout et même les endroits dans lesquels on va. Il y a le truc de l'Atlantis, l'orphelinat des petites sœurs, voilà, toujours les néons. Et puis ils se sont tapés un délire à créer des logos, des petits c'est comme des banderoles en fait pour chaque endroit, et il y a des typos différentes, mais toujours un petit peu dans cet esprit un peu années 50, un peu néon. On n'est pas dans l'ère où finalement on faisait des logos minimalistes, c'était justement des logos où c'était tout marqué bien en grosses lettres, et le jeu se réapproprie vraiment cette ambiance là et puis on en discutait un peu en préparation, c'est un peu le Las Vegas, tu vois, t'arrives, t'as plein de marques de partout, t'as les fameux en plus les trucs, t'as les vendeurs les machines à sneakers qui te parlent complètement. C'est un peu comme dans Borderlands, t'as les machines qui viennent te parler, mais là en fait il y en a constamment, et c'est en fait c'est vraiment de refaire le jeu. Je sais pas si c'était la meilleure idée que j'ai eue, parce que mes souvenirs de l'époque étaient finalement beaucoup plus élogieux que ce que j'en ai vu avec mes yeux d'aujourd'hui. Là il y a vraiment des machines à sous toutes les 5 secondes. monde, elles te parlent, elles se font des trucs, et il y a, comme on disait, même quand tu es en train de parler à la machine, il y a des types qui sont en train de t'attaquer dans ton dos. Donc toi, à peine le temps, tu te dis, bon, bah, je vais hacker ce truc-là, etc. Même là, le jeu, il te fout pas la paix, en fait, quoi. En fait, t'as l'impression, entre les néons, les enseignes, les machines qui parlent, en fait, dès que t'es un commerçant qui vend truc, il faut que le monde entier le sache, oui, tu c'est vois. Vraiment ça. Mais ça colle finalement avec leur idée de l'univers, comme ils voulaient une société libre, entre grosses guillemets, bah, il fallait se démarquer par tous les moyens, et tous les moyens étaient bons. Un truc que j'ai noté, encore une fois, dans une interview de Ken Levine, et que je trouve assez révélateur du coup de cette envie d'en faire beaucoup, c'est qu'ils se sont rendus compte, je pense, qu'à un moment donné, leur jeu était peut-être trop action, ou en tout cas vraiment très orienté vers l'action, et que les gens risquaient de ne pas piger l'univers qu'ils voulaient mettre en place. Et donc ce qu'il disait, c'est qu'il était assez fier d'avoir réussi à mettre des tonnes de couches de narration avec l'environnement, avec les audiologues, avec les dialogues des chromosomes, avec les interactions avec Atlas, avec les objets, les machins, les trucs, parce qu'ils voulaient en gros nous en mettre plein la vue en permanence pour qu'on soit sûr que même la personne qui ne lit pas les dialogues, qui n'écoute pas Atlas et qui ne fait qu'avancer en ligne droite, elle puisse quand même repartir de Rapture avec un petit souvenir et une idée à peu près claire de ce qu'elle voulait raconter. Et je trouve ça rigolo parce que c'est un... En fait, ils se sont eux-mêmes mis un bâton dans les roues et ils ont dû trouver des solutions. Et en fait, finalement, le résultat, c'est Rapture. Si la vie, elle est aussi riche, c'est parce que ça venait aussi d'une volonté de s'assurer qu'on pige ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc, je trouve ça assez marrant comme paradoxe. Oui, hein. C'est marrant parce qu'on te harcèle en termes d'action, mais on te harcèle aussi visuellement. Il y en a vraiment de partout, tout le temps, des logos, des machins. On a l'impression qu'on veut constamment t'imprégner la rétine. C'est Instagram, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, il y a quand même des endroits, des pièces qui sont avec un éclairage particulier, il y a quand même certaines mises en scène un peu de scénographie, on va dire. Il y a, à chaque fois, en général, quand tu rentres dans une nouvelle zone, il y a quand même des petites mises en place qui sont quand même pas mal. Et puis il y a aussi Fort Frolic, hein, qui est un passage qui a marqué beaucoup de monde avec donc comment il s'appelle, c'est Cohen, Sacha Cohen, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce d'artiste complètement twisted qui fait ses œuvres d'art sur des corps humains. Et là aussi, toute cette là je trouve que ils reviennent vraiment à l'horreur avec ces espèces de chromosomes, un peu de cire, hein, qui sont faits tous blancs comme ça, qui se figent comme des statues. D'ailleurs, quand tu rentres dans Fort Folic, tu les vois, ils t'accueillent, t'as 6 statues qui t'accueillent, et une fois que t'as parlé à Cohen ou je sais plus quoi, tu reviens et elles ne sont plus là, et tu sens que tu vas devoir te battre contre elles. En plus, elles font absolument pas de bruit comparé à tous les autres chromosomes qui te sont tout le temps à t'agréer. Elles sont très silencieuses, donc c'est vrai que tu dois te reposer simplement sur ta vue, et c'est assez flippant quand même. C'est pas un passage particulièrement apprécié par ma personne. Pour l'anecdote, les chromosomes qui sont donc très charcutés physiquement, et ils se sont inspirés en fait des gueules cassées de la Première Guerre mondiale, et aussi donc déjà des gueules cassées, mais aussi des chirurgies réparatrices qui parfois comblaient en fait un morceau du visage avec du fer ou du cuir ou un truc avec ce qu'ils avaient sous la main. Donc il y a vraiment toute cette volonté effectivement de créer une ambiance horrifique dont on a déjà parlé, et ça fait vraiment partie tout de l'idée avec jeu. Les masques aussi qui commencent à s'installer, les fameux masques de lapin. Enfin, c'est vrai que moi, un des ennemis dont je me souvenais, il y avait les trucs de cire, il y a les Houdini là aussi, ceux qui se téléportent, si tu leur tires dessus, ils sont déjà barrés. Donc ils utilisent en fait les splicers, vraiment les mobs de base, comme une espèce de la chair à canon, et de temps en temps ils te calent comme ça un ennemi un peu plus vénère, mais on retrouve pas, on le disait en préparation, cette espèce de logique à la Doom 2016, où ils veulent vraiment créer des situations en associant des pouvoirs. Là c'est plus, ils te balancent des ennemis parce qu'il faut t'en balancer, quoi. Oui, ils sont plus thématiques, c'est plus des ennemis qui correspondent à l'environnement, ouais. Voilà, quand t'as les contrebandiers, c'est un peu des mecs, un peu des roublards comme ça, mais là aussi, ça, j'ai trouvé que c'était pas mal, parce qu'ils te font, ils arrivent à te faire visiter vraiment toute cette ville, c'est-à-dire que t'as le marché, t'as la contrebande, t'as la pharmacie, t'as chirurgien dans le dentiste, t'as l'orphelinat, donc ils te font vraiment visiter toute cette ville, et en fait, chaque élément est toujours twisté, tu vois, il y a toujours eu un pétage de câble, justement, à cause du fameux objectivisme, tu vois, du libéralisme à fond, et ils sont allés au bout des choses, et ça tourne toujours mal, en fait. Et finalement, la teinte horrifique, c'est plutôt une bonne... c'est assez juste, tu vois, pour un level design qui est un huis clos, en fait, qui est quelque chose de complètement isolé. Il y a le champ de vision, il est assez réduit, quand même, dans le jeu, et puis, t'es sous la mer, t'es complètement bloqué, c'est des endroits très étriqués, des level design assez resserrés, donc en faire un jeu un petit peu avec une tonalité d'horreur, finalement, c'est oppressant, hein. Moi, c'est un endroit dans lequel je n'aime pas être, tu vois, c'est-à-dire que j'y prends pas plaisir, et en ce sens je trouve que c'est une réussite, c'est-à-dire que voilà, j'aime pas être dans Rapture, par exemple, tu vois, j'aimais bien être dans le commissariat de RE2 parce que je trouvais vraiment magnifique à plein d'endroits, j'y ai pris le plaisir, mais dans Rapture, j'avais tout le temps envie de partir. Ouais, non, puis y a jamais... C'est poisseux, c'est toujours un peu sombre, les vieilles lumières des néons. Puis t'as pas de hub non plus, donc ouais, t'as pas un endroit où tu vas revenir, où tu sais que tu vas être en... Voilà, t'as pas un endroit où tu sais que tu vas être en sécurité, parce que même tu peux faire du backtracking, hein, au bout d'un moment tu peux réutiliser les bâtisphères si tu veux, je sais pas si t'as oublié de tuer un Big Daddy ou quoi. Et, mais quand, même quand tu reviens, il y a toujours des ennemis qui reviennent, donc t'as jamais un seul endroit où tu peux te poser, donc c'est sûr que tu comprends que t'es pas le bienvenu. Et bon, ça, là-dessus, effectivement, ils ont bien réussi, parce que ben, même si tout le monde connaît Rapture, je pense pas que quelqu'un se dise j'aimerais bien y habiter. Ouais, ouais, complètement. En vas-y, chérie, on y va en vacances. Pas à ce moment-là. Ouais. Et puis, il y a aussi quand même bah, le fait que cette société, ça soit la matérialisation de cette philosophie-là, l'objectivisme, hein, qui a jamais été mis en place, je crois. Le livre, je me souviens plus que c'est précisément son titre, mais c'est un truc avec Atlas. C'est le monde d'Atlas, je sais plus quoi, qui a été écrit par Ayn Rand, hein, c'est ça. Donc, ça s'écrit Ayn Rand. C'est une philosophe, je sais plus si elle est russe ou allemande, un truc comme ça. Bref, qui a mis en place ce fact-checking de haute qualité en 2020. Voilà, voilà. Vous savez, on est à vous fond, attendre hein, sur les délires philosophiques. Mais c'est vrai que je trouve qu'en fait, je pense qu'en 2007, un jeu qui va puiser ses inspirations à la fois dans l'art déco, dans des courants architecturaux, mais qui va aussi aller essayer de faire des choses avec la philosophie, je pense que ça a participé à donner une identité très très très forte au jeu et à marquer d'autant plus les gens quoi. Ouais, quand on parlait du jeu, on disait il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut retenir à la fin de BioShock. Mettons tu termines le jeu et t'as un pote, quelqu'un qui y jouait, en même temps bah tu vas parler de Rapture, tu vas parler du Twist, tu vas parler des petites sœurs et des Big Daddy, tu vas parler des pouvoirs, tu vas parler de cet objectivisme ou en tout cas de ce que t'en as perçu parce que tu mets pas forcément le mot dessus, mais de ses visions un petit peu politiques, donc c'est quand même effectivement, et puis l'art déco dont situe en tout cas la patte esthétique, du coup ouais, et ça tient, tu vois, tout ça tient vraiment debout. Oui, il a réussi à vraiment place, tout retenir, et ça c'est quand même assez réussi d'avoir pu faire un truc comme ça, même si le jeu n'est pas très réflexif sur cette philosophie et tout. T'as Andrew Ryan qui incarne vraiment l'image, le mec a voulu mettre ça en place et qui est quand même un personnage intéressant dans le jeu, mais tu sens que le jeu ne s'en sert pas vraiment sur son discours, puisque de toute façon le twist méta et compagnie, c'est beaucoup plus au niveau de Jack que ça se passe que au niveau de la politique et trucs. Il part pas dans une grande critique, on va non, dire c'est de ça, cette ouais. philosophie t'es à pas, la fin t'es pas dans un côté un peu satirique à la GTA où par exemple la société américaine elle est vraiment imitée et elle est moquée dans un GTA. Là bah c'est une société qui n'existe pas. Alors ok, il y a des dérives qu'on pourrait retrouver dans notre société moderne qui vont un peu dans cette direction, mais par contre tu sors de Rapture, tu te dis pas bon bah voilà j'ai sauvé le monde ou j'ai sauvé cette ville. C'était un endroit complètement hors du temps qui avait rien à faire là, et c'est finalement pas plus mal qu'ils soient tous isolés comme ça sous l'eau, parce que on n'a pas envie de les avoir comme voisins quoi. Oui, t'en tires pas vraiment un enseignement ou une nouvelle vision de ton monde à toi, parce que même si il y a un peu cette notion qu'une société basée sur l'égoïsme ne tient pas debout, bah t'as quand même en fait t'as eu l'élément perturbateur de l'Adam qui fait que tous les gens sont devenus fous, donc au final bon, c'est un peu. Oui, parce qu'en plus, ils le disent que avant que qu'il y ait des problèmes avec la dent, Atlas, il te le dit régulièrement. Puis il y a pas mal d'audiologues de Tenenbaum qui en parlent justement de la vie avant. Tout allait bien. Ouais, c'est-à-dire ouais, que c'était limite une société idéale. Tu sais pas si le studio il voulait qu'on comprenne ça et pour insister sur le fait que ça se passe mal depuis, ou si c'est parce qu'ils veulent nous dire que c'est peut-être une mauvaise idée. Alors évidemment, je pense que c'est pas le cas de Ken Levine. Je pense pas qu'il ait envie de devenir un militant pour ce genre de truc. Mais du coup, comme il n'y a pas un message qui est marqué. Et je pense que c'est un truc qu'on va redire au moment de terminer l'épisode, c'est qu'on voit bien l'évolution, tu vois, du jeu vidéo, je trouve, sur les 10-12 dernières années, sur l'idée que eux à l'époque, quand ils faisaient ça, c'était juste une manière de se démarquer, mais il n'y avait pas une intention réelle derrière, et c'est un truc qu'on va plus retrouver aujourd'hui. Tu vois, dans un jeu, même dans un jeu comme Doom, ils arrivent à te faire passer un minimum de messages ou des trucs un tout petit peu réflexifs que t'as pas évidemment dans Rapture. En fait, il y a cette volonté de choquer sans forcément te faire réfléchir, donc on en avait déjà parlé avec le twist qui est un élément choc, mais sans forcément du coup tout l'aspect réflexif derrière qui fait que tout ça tient vraiment sur un plan scénaristique, mais aussi les fameuses petites sœurs et le choix moral qui est là pour te choquer un peu on va bousculer tes codes moraux puisque tu peux les sauver ou alors c'est soit les tuer ou les non tu les non, laisses telles qu'elles sont en oui, fait c'est hein, ça, okay. Tu les tues tu pas, leur retires pas leur espèce plus... de limace intérieure là, pour si, leur peut-être, pour leur poser la dent si justement tu oui oui si quand même c'est peut-être vraiment les tuer en fait j'ai plus le souvenir moi j'en ai pas du tout tué ça sert à rien en fait t'es plus gagné gagnant. Et voilà, du coup, le choix marrant, en fait, c'est de présenter que si tu les tues, tu récupères du coup leur Adam, ce qui est très bénéfique pour toi, ou si tu les laisses vivre, alors t'es censé juste avoir voilà, le bonheur d'avoir sauvé une petite fille. Mais t'as en petit fait. D'Adam, t'as un petit peu d'Adam voilà. quand même, t'en as moins. Moins, du mais coup. Mais t'auras des cadeaux. Voilà, après. C'est censé te présenter que si tu es gentil, tu as ouais. moins de choses, mais si t'es un connard, tu vas amasser plus. Et ce qui pourrait te renvoyer du coup à Rapture et à son organisation qui est basée sur l'égoïsme, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est censé, je pense, un petit peu te renvoyer à ça fondamentalement. Mais en fait, si tu sauves la petite fille, bah si t'en sauves 2-3, je crois que c'est toutes les 3 petites sœurs, et ben en fait tu as des cadeaux qui sont supérieurs à ce oui, que tu aurais eu si tu les avais tués. Du coup, même si tu es la pire ordure de la Terre, il vaut mieux les sauver parce que pragmatiquement c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Non, et puis même d'un niveau d'un choix moral, c'est-à-dire choisir de sauver ou pas une petite fille, bon déjà, enfin voilà, c'est la figure de la petite fille, bon ok, très bien, mais surtout, enfin la première fois que tu rencontres un, tu sais, ça devient un peu comme un cheveu sur la soupe, t'as pas réfléchi à la position de la petite fille, de machin, tu t'y es pas attaché ou quoi que ce soit, tu connais pas tant que ça leur histoire, donc il y a pas vraiment, pour moi c'est pas ça un choix moral, c'est un choix moral, moi je dois me poser des questions, je dois me dire est-ce que c'est ça que je dois faire, un truc comme ça, là je me dis bah ouais je vais sauver la petite fille, oui, si tu veux, je vais avoir la bonne fin, merci. La seule personne que j'imagine tuer la petite fille, c'est parce qu'elle a des gens qui la regardent et qui va ricaner. Genre, regardez, je suis méchant oui, ou je fais ça, voilà, mais pas sérieusement en fait. Et puis c'est vraiment un choix binaire qu'on avait dans oui, les vidéos, ça, appuyer ouais. sur E ou appuyer sur L, et voilà, c'était le choix qu'on faisait. Et je pense que depuis, vraiment là, et particulièrement quand même sur cette décennie, il y a des jeux qui ont montré qu'on. Enfin, tu vois, on parlait d'Undertale quand même récemment. Oui, bon, c'est clair. Voilà, bon, on sent qu'il y a eu une grosse différence. Maintenant, je vais pas jeter la pierre à BioShock parce que tous les jeux AAA ont fait exactement la même chose pendant super longtemps, mais c'est vrai que bon, c'est pas. Mais d'ailleurs, c'est justement pour ça qu'on a voulu en parler ouais. et bon, c'est pas pour rien qu'on en a parlé au début d'une nouvelle décennie, c'est parce qu'on s'est dit bah tiens on va réfléchir un peu à ce qui s'est passé et avec BioShock qui terminait les années 2000 mais qui démarrait en fait la génération PS360, on peut prendre toute la mesure de l'évolution du ouais. jeu vidéo qu'il y a eu ces dernières années parce que effectivement sur un truc aussi simple qu'un choix moral, à l'époque c'était vu comme un truc incroyable parce que justement ça ne se faisait pas si souvent et surtout ouais. ça ne se faisait pas dans des jeux avec une telle échelle parce que ben faut aussi se rappeler que bah, dans le contexte, ok, la Play 2, elle marchait de ouf, mais la Play 2, c'était pas des jeux qui allaient dans cette direction-là. Non, on était encore vrai, sur des jeux vidéo ouais. plutôt classiques. Un truc comme Ico et Shadow of the Colossus, ça passait pour être vraiment des ovnis, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les a retenus dans l'histoire. Mais avec l'arrivée de la 360, ça a été le basculement du pouvoir entre le Japon et plutôt les ouais, États-Unis qui ont pris vraiment la confiance oui, c'est vrai, parce qu'ils ont vraiment amené les jeux vidéo un peu plus loin. Et bah, à cette époque-là, eux, voilà, c'était quelque chose de très nouveau, cette idée de choisir. Donc, remis dans son contexte, BioShock, c'était un jeu qui amenait les choses très loin. Revu aujourd'hui, en 2019 ou en 2020, c'est un jeu qui nous paraît complètement dépassé, désuet. Ouais. C'est ça qui est rigolo parce mais... que tu te dis en 10 ans tout ce qui s'est passé. Quoi. Mais en même temps, tu observes quand même dans son sillon plein de choses en fait, sur lequel le jeu vidéo, même occidental AAA, va beaucoup itérer et va aller beaucoup plus loin, tu vois. Mais c'est quand même, il y a déjà quand même les prémices, tu vois, et c'est ça qu'il faut reconnaître. Et c'est pour ça que quand on parlait des tests où les gens parlaient de bouleversement, de jeux vidéo enfin matures, c'est assez rigolo de se dire qu'en 2007, on se disait ça. Voilà, quand on voit tout ce qu'on a fait depuis, on se dit que non, finalement, c'était peut-être pas le cas. Mais voilà, il y avait déjà ces choses-là et le bouleversement commençait à s'amorcer. Et mais voilà, quoi. Mais je pense qu'il y a des tonnes, en fait, d'éléments de BioShock qu'on a retrouvés. Donc, on a parlé des audiologues, ce qu'on appelle la couche, des notions de RPG. On appelle oui, ça des voilà. notions de RPG. Tu vois, si du jour au lendemain, un Call of, il te permet de gagner des niveaux et des trucs comme ça, bon, il le faisait déjà dans Modern Warfare, mais c'est des choses qui sont apparues de manière tout à fait naturelle. L'idée d'améliorer des petites choses passives, etc., ouais. pour donner un peu plus de richesse à ton gameplay, bah, dans BioShock, c'était déjà là et on l'a retrouvé pendant des années après, par la suite. En fait, c'est intéressant de noter que d'un côté production, en fait, BioShock, il a enlevé de l'immersive sim pour partir beaucoup plus dans une direction FPS, et ça a inspiré les autres FPS qui, eux, n'avaient pas ces éléments de RPG, et du coup, ont emprunté un petit peu à BioShock, et c'est vrai que BioShock, c'est peut-être un des premiers vraiment FPS, donc pur FPS solo, à avoir ces éléments-là, et qui a inspiré, du coup, énormément de jeux après. Oui, et puis même les trucs, comme on voit là, les idées de l'électricité, le feu, les machins, c'est pour ça que moi en y jouant tu vois tu trouves ça hyper convenu mais c'est parce que c'est des choses qu'on a vu tout le temps en fait dans le je pensais même, tu vois, par exemple, à Horizon Zero Dawn, bah, c'est pareil, t'as des flèches électriques, t'as des flèches de feu, t'as des flèches machin, et tu vas pouvoir interagir un petit peu de la même façon. Les fameux red barrel, tu vois, qu'il y a dans BioShock. Alors bon, c'était déjà un petit peu là quand même dans le jeu vidéo avant. Ça fait longtemps qu'on connaissait ce truc. Mais voilà, toutes ces rhétoriques-là, c'est des choses qu'on va retrouver vraiment dans les 10 dernières années, elles sont là, quoi. Et BioShock, il y a déjà ces prémices-là. Mais je trouve que c'est vraiment important ce côté, le petit parfum RPG, c'est ce qu'on disait, parce que cette idée de te faire progresser aussi un petit peu statistiquement, que ton pouvoir il est un peu plus fort à la fin qu'il ne l'est au début du jeu, bah ça c'est vraiment des choses qu'on retrouve maintenant dans tous les jeux, quoi. Ah bah de toute façon la plupart des jeux aujourd'hui sont des RPG qui disent pas leur nom. À la fin de son bouquin sur le RPG, Raphaël Lucas il disait que c'était devenu un adjectif plutôt qu'un genre. Ouais, mais c'est tout et à fait, je ouais. trouve que ouais. là-dessus il avait vraiment mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, parce que aujourd'hui le RPG c'est un truc que tu vas accoler à un système juste en disant bah voilà, on a des stats, on a des trucs, il y a les fameux trois arbres de talent, enfin tu vois, on retrouve ça dans la plupart des jeux. Donc c'est quelque chose qui a été justement démarré à cette époque-là avec BioShock. Et je trouve que tu as dit un truc, Max, que je trouve vraiment très malin, c'est cette idée de se dire, eux, ils ont enlevé quelque chose pour faire quelque chose de mainstream, ouais. donc on pourrait dire que c'est moins bien, mais en faisant ça, ils ont fait ce qu'on appelle de la médiation, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, ils se sont mis au niveau des autres FPS et ils ont permis à tous les autres jeux de remonter. Et plutôt que de mettre un espèce de jeu élitiste qui aurait été impossible à comprendre ou à décrypter pour le grand public en 2007, bah, ils ont fait un truc un peu plus ouvert vers le grand public. Et bon, bah, avec le recul, moi je trouve le jeu, évidemment, c'est difficile d'y rejouer aujourd'hui, on va pas se mentir, mais pour l'époque, c'était effectivement, on comprend pourquoi il a eu ce statut culte finalement. Ils ont vraiment réussi à s'adapter à la console. Ouais, ça, c'est quelque chose. C'est vraiment, je pense, important de le rappeler, vraiment, cette nouvelle génération de consoles. Et le fait qu'eux, ils viennent de l'immersive sim PC et qu'ils ont épuré ça pour faire le FPS, on n'en a pas parlé, mais t'as les checkpoints, par exemple, la notion de checkpoint dans BioShock, ça, c'est vraiment pour la console, tu vois. Les immersive sim, c'est toujours sauvegarde rapide. Et rechargement rapide. Ils ont trouvé toutes ces bonnes formules pour s'adapter à ce marché en 2007. Et sinon, pour en revenir un petit peu sur les jeux qui sont sortis à cette période, on les a cités, il y avait Mass Effect, il y avait Uncharted, il y avait Gears of War, Assassin's Creed, enfin c'est vraiment des jeux sur les 10 prochaines années, on en parlera toujours, mais en termes de promesses, tu vois, sur le plan thématique, un petit peu expérience, je trouve que c'est des jeux qui promettent tous un petit peu la même chose, où c'est vraiment, on va faire de toi un héros, c'est vraiment, vous disiez avec le RPG, tu vois, on va prendre vraiment du pouvoir, et tous ces jeux-là, c'est ça, c'est que tu vas commencer un petit peu de rien et devenir super fort. Et BioShock a été hyper bien apprécié par la critique, en mode c'est un jeu mature, c'était un peu le Citizen Kane. On a vu, je sais plus dans un des tests, mais il disait vraiment, il disait c'est comme un bouquin. Tu vois, sans citer de référence ou quoi, il disait BioShock c'est comme un bouquin, comme ça. Si, ça s'apprécie autant qu'un bouquin. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est un jeu tellement bien qu'il est comme un bouquin, tu vois. Alors qu'il y a vraiment plein de bouquins qui sont moins bien que des jeux, hein, moi je peux vous le dire, j'en ai lu des livres. Mais on sent, tu vois, la remise en contexte, elle est importante, que les gens qui jouent ont ce besoin de légitimité et surtout bah, du coup que le public devient de plus en plus nombreux avec les consoles. On disait un System Shock 2 qui était une référence, c'est peut-être 1 million de ventes à l'époque, et encore je sais pas, Assassin's Creed c'était 8 millions, BioShock c'était 4 millions en un an, donc on a un public beaucoup plus grand, mais qui veut prouver aux autres et à soi-même que oui, le jeu vidéo aussi ça peut être intelligent. Et BioShock du coup, avec un petit peu cette esthétique un petit peu art déco, ce côté, je mets 1000 guillemets, mature, ça veut dire gore, hein, concrètement, edgy, un peu gore. Il y a ça, un peu gore, mais il y a aussi quand même le truc, un peu ce que je disais, culturel, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, bah oui, c'est un jeu où il y a des petites références à la culture, c'est pas juste Mario avec ses champignons et ses trucs. Il y a des trucs politiques. Voilà, tu te rends compte, tu vois. Chose qu'on a acheté. Voilà, c'est incroyable. Le monument, le monolithe, que c'est, tu vois. Des choix moraux avec des petites sœurs, et voilà. Et en fait, c'est ça le jeu adulte de 2007, c'est que, bah voilà, on va sauver des petites filles, on a une société qui s'écroule un petit peu. Sur elle-même, on a une... Bon, ça, c'était déjà le cas avant, mais j'ai une cinématique où on va être gentil ou méchant en fonction de nos choix. Bon, c'est vrai que maintenant, en 2020... Moi, ça me fait marrer, parce qu'il y a toujours cette espèce d'amnésie globale, collective, qu'on a, parce que, tu vois, des jeux qui étaient un peu edgy ou qui allaient beaucoup plus loin en termes de trucs... Enfin, Max Payne, c'était sorti des années avant, et le tout premier Max Payne, il allait déjà beaucoup plus loin que BioShock en termes de narration, en termes d'idées. Remedy, ils avaient déjà fait des trucs. Mais à chaque nouvelle génération, on se fait un peu tout swipe la mémoire. Je pense que c'est pas de l'amnésie, c'est vraiment simplement qu'en 2007, le jeu vidéo, il est devenu mainstream, en fait. Ouais, il y a tellement beaucoup plus de gens qui ont joué... que c'est normal, tu vois. Bah c'est, oui, c'est, voilà. 2007, c'est aussi l'apparition de l'iPhone. Voilà, donc oui, c'est vrai que, enfin, tu vois, c'est vraiment un gaming, changement. Le gaming, c'était pas ce que c'était en 2007. Bah, on disait même pas encore ça, d'ailleurs. Non, le terme n'était pas encore apparu, donc c'est assez rigolo. Paysage vidéoludique, qui disait ça à personne. Tu vois, YouTube n'était pas encore ouvert à tous les créateurs. Enfin, c'est, ça paraît fou parce qu'il s'est passé tellement de choses. On a vraiment changé de génération et d'époque, de génération avec un grand G dans la société humaine. Et il s'est passé des tonnes de choses, mais moi, ce que je retiens de BioShock, voilà, c'est que c'est vraiment un jeu emblématique de tous ces changements-là. Il cristallise un petit peu tous ces trucs-là, toute cette envie. Et on ressent bien, c'était le test de Dino Wan, un ancien journaliste de jeuxvideo.com que tu avais cité là sur le côté du bouquin. Et je trouve ça fou parce que tu te dis, c'est un type qui a passé l'essentiel de sa vie d'adulte à être journaliste. Hein, c'était un des piliers de jeuxvideo.com. Et il avait quand même ce vrai sentiment d'infériorité que beaucoup de joueurs et de créateurs de jeux, on va pas les citer, avaient par rapport au cinéma ou à la littérature, parce que pendant très longtemps, le jeu vidéo n'était qu'une sous-culture. Et ça, bah, quand tu arrives à dire c'est aussi bien qu'un livre, ça veut dire aussi, la corollaire, ça veut dire que tu considères que les livres, c'est mieux qu'un jeu vidéo. Et donc toi, même si c'est ton métier et que tu fais des années à tester des jeux, tu as accepté l'idée que la société te renvoie qu'un jeu, c'est moins bien que de lire un livre. Et je trouve ça assez rigolo parce que à cette époque-là, et vraiment dans les années 2000, c'est quelque chose, la question du jeu vidéo, c'est l'art, tu vois, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à brandir Shadow of the Colossus à toutes les sauces, dès qu'il fallait défendre le jeu vidéo. On avait, comme tu dis, un vrai besoin de virer ce sentiment d'infériorité, et c'est le début du moment où on s'est mis à dominer le monde. C'est Facebook, c'est tout ça. Enfin bref, les geeks, les nerds, ils ont pris le contrôle de l'univers. Et depuis, ça va, tu vois. Exactement. Du coup, on n'a plus besoin. Peut-être aujourd'hui, il y a peut-être encore cette notion de légitimité, mais elle est beaucoup moins présente qu'elle ne l'était à l'époque où vraiment, c'est pas que t'avais honte, mais tu savais que t'étais pas en train de faire une activité très cérébrale, et donc quand t'avais un jeu comme ça qui arrivait, tu te disais, oui, mais regardez. Regardez, ils ont ouvert un livre d'histoire de l'art pendant 5 secondes. Il est passé devant une statue à New York et du coup, il a eu une idée. Et du coup, c'était plus, tu vois, fatalement, c'est que c'était déjà plus comme travail intellectuel que beaucoup d'autres jeux à l'époque. Mais c'est marrant, ça montre un peu à quel point le jeu vidéo, tu vois, c'était un peu uniforme, je trouve, vraiment, en termes de thématique. Hein. J'ai déjà dit, je vais pas revenir dessus. Et que depuis, on voit qu'il y a une vraie pluralité de discours. Alors, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois qu'on parle d'un jeu, du coup, qui est sorti, parce qu'on a parlé de Portal, qui est sorti en 2007. On a parlé de Shadow of the Colossus, qui est sorti en 2007. Et à chaque fois, on dit toujours, en 2007, le jeu vidéo, c'est Gears of War, c'est machin, et Portal, et... c'est vraiment un moment charnière. Et Shadow of the Colossus, c'était un petit peu les exceptions. Et à chaque fois, on va rappeler que depuis, on a pu parler de The Racing Club, qui va nous parler de ce que c'est que le bonheur dans un certain type de société. Je vous renvoie à l'épisode. Non, mais ça a basculé. C'est ça où tout a basculé. Si on prenait un jeu qui était sorti en 2001, et j'espère qu'on ne le fera pas, je pense qu'on ne dirait pas, la même chose. Le jeunisme de fin du game qui reprend de le poil de la bête en 2020. Mais de se dire que, tu vois, Gnome, au final, n'aurait pas existé sans BioShock, parce qu'il en reprend les éléments, et je vous renvoie encore à l'épisode sur Gnome. Mais ça montre qu'en fait, on a encore plein de choses à dire, et heureusement qu'en fait, BioShock, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du jeu vidéo, du discours adulte, de la maturité. À l'époque, on avait peut-être l'impression que ça l'était, mais surtout la volonté que ça le soit. Et on se rend compte vraiment maintenant, quand on prend le recul, il y a encore plein de choses à dire et à faire avec le jeu vidéo, quoi. Ouais. Et puis, il y a eu quand même des suites, hein, à BioShock, on n'en a pas forcément parlé. Il y a eu le 2 qui a cristallisé quand même certaines critiques. Il y a eu Infinite, qui est sorti. qui a peut-être fait plus de ventes. Qu'a bien fonctionné aussi quand même, parce que, encore une fois, il y avait un certain renouvellement de l'univers. Il a quand même de la gueule, le jeu. Hein, l'intro aussi d'Infinite, il faut quand même la remettre. Le jeu vidéo continue de cartonner. Oui, hein. Voilà. Là, c'était fin de la PS3 360. C'était des 80 millions de parcs installés de part et d'autre sur les consoles nouvelles génération, donc ils étaient vraiment au top de leur forme. Et puis ça y est, on le sait maintenant, ça fait 2 ans a priori, selon notre homeboy Jason Schreier, qu'il y a un BioShock 4 qui est dans les cartons. Ouais. Que dans les cartons, ça va arriver. Depuis un moment, si je dis pas de bêtises. Oui, depuis 2 ans, ça va être. Là, ils viennent d'annoncer, en fait, ils viennent d'officialiser le nom du studio, c'est Ghost Story. Et on va droit avoir un BioShock 4. Et moi, on est quand même super curieux de se dire comment ils vont pouvoir transposer ce truc-là, parce qu'on est presque sur du reboot finalement après un jeu de 2007. Enfin bon, peut-être pas, ce sera un reboot, mais curieux de savoir ce qu'ils vont faire, sachant que Infinite était quand même toujours encore dans ce délire très action. C'est même pire encore. C'est même pire encore. Et je pense que là, aujourd'hui, le public est assez habitué maintenant à de la contemplation, profiter de l'univers, et qu'une licence comme BioShock, avec ses grandes forces qu'elle avait déjà en 2007, peut encore plus en profiter en 2020, en 2021. Et en plus de ça, on se disait que voilà, le multi est arrivé hein, vers, je sais pas, début, milieu des années 2000. Alors évidemment, il y en avait avant, hein, mais vraiment à l'échelle qu'il a, ça a atteint une échelle beaucoup plus importante aujourd'hui. Et du coup, c'est un des rares FPS solo aussi qui peut être attendu, parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Une grosse licence solo aussi forte que BioShock, FPS. Il y a quoi, la Half-Life, et puis bah, c'est tout. Doom, quoi. Mais il y avait un ouais, Doom, mais voilà, c'est Doom, différent. Mais il y a, mais, bah, ouais. y a Metro, oui, voilà, ouais, y a pas du tout le BioShock. Mais c'est tout. C'est vrai qu'en termes de licence, bon, Half-Life, on le sait, ça va être de la, ouais, de la VR, mais ça aurait pu être un candidat à ce genre de truc là. Et même Call of Duty, parce que bon, alors là, ils ont remis une campagne, ils l'avaient enlevé un moment, ils la remettent. Tu vois qu'ils sont toujours un petit peu dans une espèce de remise en question de leur formule, mais eux, ils sont dans une autre logique. Oui, c'est pas purement de comment continuer d'en vendre des caisses, mais du coup, oui, en termes de FPS, ben, c'est plus un genre, comme on l'a dit, qui est représenté, mais il a évolué. En fait, il s'est diversifié. Ouais, ouais. Tu vois, il y a eu les Walking Sim. Moi, j'attends beaucoup Witchfire, là, le prochain jeu des types de The Ethan Carter, qui va revenir justement à un truc très bourrin. Ça peut être assez rigolo à voir. Il y a Shadow Warrior qui est sorti il y a quelques temps. Shadow Warrior 2, j'avais plutôt. J'avais pas du tout aimé. C'est pas un grand jeu, mais voilà, ça fait partie de ces exemples de FPS. On revient pas sur le monument, tu vois. BioShock a quand même un héritage aujourd'hui. Enfin, BioShock, c'est un nom que tout le monde connaît. Et là, ils ont quand même une certaine responsabilité sur les épaules. Ils peuvent vraiment envoyer du bois avec cette licence. Ils peuvent faire un truc super intéressant. Après, depuis, c'est vrai que même si le FPS solo connaît un petit peu un certain creux de la vague, la démocratisation des consoles fait que les TPS, eux, par contre, il y en a qui cartonnent vraiment. Tu vois, un des jeux dont on parlera peut-être un jour, mais il y a Control, par exemple. Bon, bah, on reste un petit peu dans la même, je trouve, formule. Hein, c'est vrai, en termes d'expérience, tu vois, on en est patient. C'est juste que c'est la troisième personne, et je trouve que la troisième personne, c'est mieux adapté aux consoles, hein, tout simplement. Oui, je crois aussi. C'est que ça te permet aussi plus de liberté dans le gameplay. Tu vois, on se souvient du premier Deus Ex, de Human Revolution, le premier reboot de Deus Ex, où pour nous faire comprendre qu'on était à couvert, il nous faisait basculer à la troisième personne. Parce que la vision à la première personne, ça a été un peu l'Eldorado pendant très longtemps, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu limitatif, quoi. Ouais. Donc, du coup, en termes de gameplay, passer à la troisième personne, ça t'ouvre des portes incroyables. Ça t'ouvre la plateforme d'Uncharted, ça t'ouvre les covers et les fameux petits murets de Gears of War. Enfin, tu vois, c'est tout un tas de trucs qui sont apparus à cette époque-là. Non, mais c'est surtout que maintenant, vraiment, tous les jeux sont hybrides, en fait, qui vont piocher dans plein de choses. Et BioShock était déjà un petit peu hybride, finalement, à la base. Et je pense que c'est pour ça, encore une fois, tu vois, que il y a plein de gens qui peuvent dire il a pas tant vieilli que ça. Moi, je pense que quand on a l'expérience, un peu de la nostalgie, ça joue beaucoup, mais il y a quand même des éléments qui étaient déjà là, et finalement c'est un jeu de l'ère moderne, quoi. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est encore de notre ère, même s'il y a plein de choses qui ont changé. C'est quand même un jeu qui s'inscrit dans notre ère et pas celle de la PlayStation 2 qui commence vraiment à être vraiment archaïque, tu vois. Ce qui va être intéressant, du coup, c'est de voir, est-ce que Ken Levine et ses amis, est-ce qu'ils ont assisté, tu vois, comme nous, on a pu le faire, parce que c'est devenu notre boulot, donc on l'a vu, tu vois, le changement du vidéo, on l'a vécu de l'intérieur. Est-ce que eux aussi ont vécu ça? Je pense que oui, évidemment, mais qu'est-ce qu'ils en ont tiré, et comment ils vont pouvoir, revenir à leur envie. C'est Ken Levy encore sur BioShock 4? Ghost Story, c'est son nouveau studio. D'accord, ok. C'est son nouveau studio à lui. Hein, d'accord. Mais par contre, j'ai un doute sur le fait que ça soit ce studio-là qui bosse sur BioShock 4. Parce que là j'ai plus la news en tête, mais en tout cas c'est sûr, son nouveau studio s'appelle Ghost Stories. D'accord. Il me semble que c'est Ghost Story qui bosse sur BioShock. Après, j'avais pas vu le nom en fait, Ken Levine arriver, du coup. Faudra fact checker. De mémoire, il était quand même, donc c'était lui qui était revenu sur Infinite. Il est quand même resté, je crois, il avait un peu restructuré le studio après. Donc en tout cas, a priori, il a un peu bossé dessus, mais voilà, on vous laissera aller sur Wikipédia ou suivre Jason Schreier sur Kotaku. Eh bien, très bien, je crois qu'on a fait le tour sur BioShock. C'était peut-être pas le grand voyage nostalgique que peut-être beaucoup de gens auraient pu espérer de notre part, parce que c'est un jeu assez iconique, et pourtant, nous trois, c'est pas forcément un jeu qui nous a vraiment particulièrement touchés, mais voilà, c'est quand même une pièce importante, oui. Voilà, j'ai fait le fact-checking. Et alors et du coup, c'est effectivement ça. Donc, Ken Levine, il est toujours dans un studio qui s'appelle Ghost Stories, qui est effectivement associé à 2K, mais c'est un autre studio qui s'appelle Cloud Chamber, qu'ils ont créé chez 2K pour faire un nouveau BioShock. D'accord, ok, pardon. Voilà. Très bien. Et bien, comme ça, vous avez toutes les infos. Plus. Alors, attends, parce que je vais pouvoir donner son nom. Il va falloir que je meuble en attendant. Tu peux remercier tes parents, tu peux remercier ta famille. C'est pas un jeu, finalement, dont on a dit tant de mal que ça, puisque même si on n'a pas plus apprécié que ça entre nous, parce que on rappelle, c'est pas l'objectif du podcast. Non, bien sûr que non. C'est vraiment de comprendre pourquoi ce jeu-là il est important, tu vois. Et au final, quand on revoit son game design, qu'on revoit son travail sur son atmosphère, et quand on le compare finalement face à toutes les sorties qu'il avait en face, Oui, ça m'étonne pas en fait. C'est-à-dire que moi, en fait, quand on me dit bah, le top du jeu vidéo, c'était ça en 2017, je te dis, bah ouais, fair enough. Ça, ça marche pour moi, tu vois. Je te crois. C'est clairement pas le top du jeu vidéo pour moi en 2019, et encore moins en 2020. Mais en 2007, je veux tout à fait bien l'accepter. Ouais. Et du coup, c'est une bonne chose, tu vois, de se dire quand bah 2020, ouais, de regarder bah, le jeu adulte. Je vous propose un jeu bingo. Hein. Allez sur les reviews, les tests, les trucs. Vous cherchez mature. Adulte, art. Ouais, art, peut-être un peu cinéma, bouquin, mais voilà, vous, a priori, voilà, si vous faites un jeu à boire, ça va finir comme chez Rapture. mais de se dire que du coup, ouais, en 2020, regarder ça, bah, de pouvoir se dire, mais en fait, c'est pas si intelligent, c'est pas si poussé que ça, mais ça montre que. Bah, on a avancé, donc, voilà, on a progressé. On a joué à plein de jeux. Ouais. Et c'est aussi ça l'important. Alors là, bon, c'est, je pousse ma paroisse, mais c'est important le côté conservation des jeux, parce que du coup, le fait qu'on puisse jouer aujourd'hui à BioShock en version remaster et tout, bah, ça te permet, toi, de te remettre un petit peu à jour, plutôt que de vivre uniquement sur tes souvenirs, de te dire, ah oui, c'était comme ça en 2007. Ouais. Moi, j'ai envie, je sais pas si demain vous voulez faire votre propre jeu vidéo, bah, allez-y, foncez, c'est le bon moment de toute façon, mais vous pourrez du coup avoir accès à tout cette espèce de vivier de jeux et voir d'où on est parti il y a quelques années, où on en est aujourd'hui et vers quoi on peut aller, quoi. C'est pour ça que bah, je me souviens dans l'épisode de Zelda Breath of the Wild, c'est un truc que je disais, quand un jeu comme ça sort, bah, on va voir les répercussions pendant des années. Et BioShock, bah, là, maintenant qu'on est à 12 ans, on se dit, voilà, on est 12 ans, 13 ans même plus tard aujourd'hui, enfin bientôt 13 ans, on peut voir les répercussions qu'il a eues réellement parce que bah, on voit qu'est-ce que ça a donné pendant des années. Alors qu'à l'époque, bah, on était en fait trop près du truc, tu vois, il fallait qu'on ait un peu plus de recul. Et bah, du coup, ça fait plaisir d'avoir cette émission que je me recommande à moi-même. Voilà, je ne la recommande pas à vous. Une dernière fois. Bah, ce que vous pouvez faire, voilà, moi ce que je vous recommande de faire en 2020, c'est de parler de fin du game sur les réseaux autour de vous. Il y a de plus en plus de gens qui nous mentionnent, qui disent qu'ils ont découvert fin du game, et ça fait toujours super plaisir de dire qu'il y a des gens qui nous découvrent comme ça, parce que ça nous rassure, ça nous montre que l'émission, elle continue d'avancer, elle continue d'être découverte, de progresser, donc ça c'est hyper important. Faudrait juste faire des panneaux à la BioShock, du coup, sur là les immeubles où on enregistre le podcast, tu vois, avec des grands néons, toujours fin du game, avec une grosse radio un peu rétro, voilà. Donc, de donner. Voilà, parce qu'il faut qu'on finance effectivement l'éclairage. On va avoir besoin d'augmenter un petit peu plus. Donc, voilà, soutenez-nous sur Patreon. On remercie Third Edition une nouvelle fois pour leur bouquin BioShock de Rapture à Columbia, si vous voulez vraiment vous faire un tour d'horizon de toute la licence, parce que bon, il y a eu quand même pas mal de choses, notamment aussi les DLC. Ils parlent aussi des DLC qui avaient été beaucoup appréciés, notamment ceux d'Infinity et de BioShock 2, je crois. Donc vous pouvez voir tout ça dans leur bouquin. On les remercie pour leur soutien. Et puis, bah, on se retrouve dans 2 semaines, normalement, pour un nouvel épisode de Fin du Game. Salut. Ciao.